dans la vie. Croisière d'assemblage requis. On parle de Mademoiselle Girafe dans la chronique culturelle de Myriam Fugère et on rejoint Stéphanie Gagné en direct de l'Ontario et Kiwan de l'Alberta. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis. On est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières en ce jeudi 23 juin 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marc-Pierre Lafourche-Bourret. Et on part encore en croisière comme ça. On quitte le studio de C'est fou, hein, où on est en ce moment, dans le bateau, devant évidemment le port de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on va rester dans le bateau parce qu'il fait pas très beau dehors. Non, on va regarder ça. L'extérieur à travers les bleus. C'est beau quand même. Oh oui, c'est très beau. Ça fait changement. T'sais, on prend une croisière à chaque semaine, tous les jeudis après-midi, ici, à C'est fou. À un moment donné, tu t'aimes de voir du dehors, hein? C'est assez. Hein? Tu veux voir du en dedans? Dehors, c'est pour les autres, comme je l'ai dit souvent. Dehors, c'est quoi? Dehors, c'est pour les autres. Ah. C'est un peu mon slogan. de loser. Aujourd'hui, à l'émission, on a quand même du contenu très intéressant à vous présenter à l'intérieur de ce bateau. Il va y avoir, entre autres, la chronique culturelle de Myriam Fugère, qu'on a accueillie la semaine passée pour la première fois ici à l'émission. Elle continue de venir. Elle va nous parler de Mademoiselle Girafe en musique tout à l'heure. On va voir Stéphanie Gagné, qui on va parler en direct de l'Ontario. Et c'est là qu'elle est rendue. Hein. C'est pour ça qu'elle nous a quittés la semaine passée. C'est triste. C'est triste, mais en même temps, on la perd pas complètement. Donc, c'est une bonne nouvelle. On ne sait pas encore de quoi il va nous parler, mais c'est sa chronique, ton plat, favori. On va parler avec Kiwan en direct de l'Alberta. Kiwan, qui était co-animateur de l'émission ici, est en cavale depuis si longtemps qu'on je le reconnaîtrais peut-être même pas si je le croisais dans la rue. T'sais. Ah, ben, à moins qu'il y ait une super de grosse barbe. Là. Ben, c'est qu'il change souvent ses poils corporels, en effet. Oh, c'est pas facile dans ce temps-là. Hein. Pas facile. Lui non plus, on ne sait pas de quoi il va nous parler, mais on va lui demander tout à l'heure vers la moitié de l'émission. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi dans l'émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Pierre, toi, de ton côté? J'ai fait une chronique sortie et événement. Ah. Donc, on est le 23 juin. Je vous laisse deviner sur quoi ça va porter. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Et une chronique libre, mais secret. Parce que Mathieu, tantôt, prépare une chronique. Il a pas voulu me dire c'était quoi. Donc, j'y cache aussi c'est quoi ma chronique. Ben, faut bien se garder un petit peu de suspense dans cette émission-là. Donc, comme tu disais, moi, je vais te présenter une toute nouvelle chronique. Mais en fait, je l'ai fait quelques fois à l'émission, mais on parle d'une fois par année, je pense. Donc, personne ne s'en souvient. Nouvelle chronique, donc, à partir d'aujourd'hui. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. On va faire ça tantôt. Bon. Évidemment, il y aura aussi la chronique, c'est un fait, avec des choses que je vais t'enseigner, là, tel un professeur. J'ai si hâte de tout absorber ça comme une éponge. Hein? J'ai hâte de voir ça, moi. OK, on va commencer l'émission avec les palmarès. C'est fou pour la période du 20 juin au 3 juillet 2011. On est du côté francophone cette semaine, vu qu'on bascule de semaine en semaine. Nouveau palmarès francophone, une seule nouvelle entrée. On va entendre Karim Ouellet avec la pièce Le Monstre. Et puis, on revient après pour présenter le reste des palmarès. Hein. Juste une nouveauté, donc juste une pièce dans le bloc. C'est plate, mais ça ne manque. Karim Ouellet. Karim Ouellet, que tu disais qu'il va être dans les célébrations de la Saint-Jean? Oui, et je vous réserve ça pour tantôt. Oh boy, oh boy! Ah. Cachotière! Qu'est-ce qui se passe? Wow. S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard m'ont oublié. Changer ce monde un peu de musique. This is how we use it. How we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down. I'm not afraid of the dark no more. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde, un peu de lumière. Tous les mains dans les airs. La terre tourne à l'envers. Je me couche à l'heure du vampire. Achever son empire à s'en déchirer le linge. Quand on s'endort, on oxe. Pousser dans des pensées comme mauvaise herbe et passer à l'action. Chasse même les sorcières. Put your lights out. Je connais quelques histoires de monstres à faire. Grimper la colère à mon rideau de fer. Donc, j'irai tirer sur le monstre avec Claude. Mais ne surtout pas le montrer, le monde parle trop. Come on! Come on. S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, on l'oubliait. Changer ce monde, un peu de musique. This is how we use it, how we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde, un peu de lumière. Tous les mains dans les airs. La terre tourne à l'envers. Maman m'a dit montre, ça ne se peut pas. Mercredi, quand on dormira pour le fond. Je pensais qu'il restait 3 secondes. S'il avait resté 3 secondes, je t'aurais dit. J'aurais juste allumé le micro, je pense. Oui. Ouais. Donc, on vient d'entendre Carrie Mouellette avec la seule et unique nouvelle entrée du côté francophone. C'est Le Monstre sur son album Plume. C'est donc en 20e position francophone. Et puis, on va continuer tout de suite avec un autre bloc, mais cette fois-ci de pas nouvelles entrées. Non. Des vieilles entrées. Bah, des vieilles entrées. Oui, quand même. Quand même, hein? Il y a. Oui, Vanessa Parietar, ça fait quand même 7 semaines. 7 oui, oui. Comme le chiffre. 7 comme le chiffre? Oui, pas comme 7 pas semaine. Comme la lettre. Oui, mais 7 semaines, c'est long, ça. Ben, c'est long, dans mais c'est pas un record. Hein. Il y a des pièces qui restent 10, 11 semaines. J'ai même déjà vu, je crois, une 12 semaines. Il y en a qui c'est incroyable, des succès planétaires. Ici, assez fou. Mais on va commencer avec la 19e position. Ça descend d'une place. 4e semaine, voici les Dorothées et Dormir seul. numéro 18. Pariétaire avec Commune Étoile dans l'océan. En position numéro 18, francophone, et c'était précédé. Tout juste avant de Les Dorothées avec Domicile. C'était pris, hein? Oui. En flagrant délit de feuille. Oui, en flagrant délit de feuille. On préfère une chanson avec ça. Prise en flagrant délit. Non. On fera quelque chose qui a encore moins de sens que ça, c'est la chronique, c'est un fait. Oui, la chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et Marie-Pierre, je vais t'enseigner des choses, toi qui étais une éponge, c'est ça? Oui, je vais absorber. Comme les. C'est quoi les petits gâteaux éponges, là? Ou c'est les petits biscuits? Non, c'est le chocolat éponge. J'ai aucune idée de ce que tu parles. Colle dans le palais, là. Comme la crunchy, là. Ouais, mais c'était pas de la tire-éponge. Tire-éponge. T'aimerais ça, toi? Ah, là, en ce moment, c'est sûr, c'est ça. OK, donc allons-y avec le premier fait de la journée. Les schizophrènes. On dit tout le temps que les schizophrènes entendent des voix dans leur tête. Mais c'est pas exactement le cas pour tout le monde. Non, en effet. Il y a des gens qui entendent des voix dans leur tête, c'est vrai, mais les hallucinations auditives qui sont plus communes, c'est des voix qui viennent d'objets externes. Donc, ils entendent des objets parler, si on veut, certains d'entre eux. Sinon, les symptômes peuvent varier étrangement. On dit que on peut entendre ou voir des choses qui n'existent pas. On peut avoir des délusions, c'est-à-dire croire à des idées irréalistes, avoir des pensées dans le désordre. On peut manquer, avoir un manque d'affection, donc la personne n'aura pas l'air d'avoir d'émotion. Et dans la schizophrénie catatonique, un manque de désir de bouger en général. Donc ces gens-là ne veulent pas bouger du tout. La schizophrénie est compliquée, est un désordre compliqué avec plusieurs symptômes possibles. Donc voilà qu'on nous dit sur les différents internets. Une question que peut-être que tu t'es déjà posée, pendant combien de temps est-ce qu'un poulet peut vivre sans sa tête? Tu sais, courir comme une poule pas de tête. Ben, ils disent pas que quand, par exemple, il les tue, il coupe le... Ça fait méchant, ouais. Dis-moi. Il coupe la tête puis il continue à bouger. Je sais pas, mettons, je veux dire, une minute? Ben, ça peut aller assez loin parce qu'il y a un poulet qui a vécu pendant 2 ans sans sa tête. Mais voyons. C'est vrai. Le 10 septembre 1945, un jeune coq de Fruita au Colorado s'est fait trancher la tête et a survécu. Incroyablement, la hache qui a été utilisée a laissé sa veine jugulaire intacte et a laissé, je sais pas comment t'appelles ça, la branche principale du cerveau. Là. Donc, ça a laissé assez de ça pour apparemment faire que le coq pouvait continuer de faire son cri de coq. Là. Comment t'appelles ça, non? Son coq. Donc, on l'appelait Mike, c'est son nom. Il est devenu une célébrité nationale. Il a été, entre autres, dans Time Magazine. Son propriétaire, Lloyd Olson, a chargé 25 cents par personne pour voir cette merveille, Mike, le poulet sans sa tête, dans des spectacles partout aux États-Unis. Au sommet de sa carrière, Mike faisait 4 500 $ par semaine et sa valeur était de 10 000 $. Et t'as dit que c'était en 1945. Exactement. Donc, 4 000 $ par semaine en 1945, ça fait beaucoup d'argent. Et hein? Que oui. Mike était nourri avec une pipette. Une pipette, voilà. À travers, je ne sais pas quel orifice. Mais la tragédie a frappé un soir quand le propriétaire de Mike a oublié sa pipette à un précédent spectacle. Donc, il était incapable de nettoyer, je ne sais pas trop, la place qui lui permet de respirer là, quand sa tête était hachée comme ça. Donc, il s'est étouffé et il est mort. On dirait que je trouve ça cruel de le laisser en vie comme ça. Un peu. Mais en même temps, c'est cruel d'être aussi. Oui, si. Bon, c'est cruel d'un bord et de l'autre, comme on dit. Continuons avec un autre fait. Tiens, savais-tu que les bébés, je veux dire, défèquent, oui. Des poils humains quand ils sont tout jeunes. OK. Hein? Donc, la première substance là, fabriquée par le bébé est faite de méconium, qui est une substance... genre gluante un peu dans les intestins qui est fait de déchets qui vient de l'utérus de la mère, si je comprends bien. Donc le méconium est vraiment mélangé de plein de choses. Ça contient des poils, des cellules mortes, des cellules de peau morte, de la bile, de l'eau et des liquides amniotiques. C'est comme ça qu'on dit amniotique. Okay. Donc tout ça sort entre les 24 et 48 premières heures après sa naissance. C'est vert, noir. Mais même si ça a l'air dégueulasse, apparemment que ça sent pas si pire que ça. C'est le fun que tu le dises. Ben voilà. Ça rassure, hein? C'est très, très rassurant. Pendant le mois de mai, presque 6 millions d'Américains et plus de 100 000 Britanniques ont effacé leur compte Facebook. Oh! Combien t'as dit? 6 millions. 6 millions de personnes? Oui. Oh, ça commence à faire des ravages. Juste pendant le mois de mai, là? Oui. Ih, c'est beaucoup. On dit qu'il y a plus de 3 fois plus de... Attends, non, on va refaire la phrase comme fou. Il y a 3 fois plus... et même plus que ça, donc plus de 3 fois plus, si ça a du sens, de gens qui s'occupent des relations de presse, les PR, que de journalistes aux États-Unis. Plus de 3 fois plus de personnes qui s'occupent des relations de presse que des journalistes. Eh bien, le web grandit de 150 000 nouvelles adresses Internet par jour. 150 000! Assemblagerequis.com n'est qu'une parmi des milliards. On dirait que c'est un peu abstrait de s'imaginer à quel point ça peut être gros. Ouais. Tu sais, c'est tellement... le web, c'est abstrait, là. Puis 150 000 par jour de plus... Tu sais que tu liras jamais tout ça. Non, ouais. Certainement pas. Prochain mot, je te le fais deviner. La pogonophobie, devine, c'est la peur de quoi? Répète donc ça. La pogonophobie. La peur des pogos. Ah, peut-être. Ou encore de choses Catherine Pogonan. peut-être revient aussi. Non, la pogonophobie, c'est la peur des barbes. Oh! Ah ben... Quand Albert Einstein est mort, ses derniers mots sont restés avec lui. Ils vont rester avec lui pour le reste de sa vie parce que son infirmière ne comprenait pas l'allemand. Donc, ses derniers mots, on ne saura jamais. C'est dommage. Peut-être que c'est super intelligent. Sûrement. En 2000, un homme du New Jersey a admis avoir ouvert 2417 comptes de banque en utilisant... non, pas de banque. Je vais finir ma phrase. Donc, au New Jersey, un homme a admis avoir ouvert 2417 comptes en utilisant 16 boîtes postales pour s'abonner à la Maison Columbia. C'est pour les CD, là. Oui. Un cent, je sais pas trop quoi, t'as plusieurs CD, je me rappelle plus trop des offres qu'il faisait. Donc, il a réussi à avoir 26 554 CD de la Maison Columbia avec 2417 comptes différents. Donc, toutes des CD différents. Oui, c'est ça. Wow. Mais pourquoi? Parce que moi, juste en avoir un compte de Columbia House, à un moment donné, j'étais vraiment tanné, puis je finis par plus répondre, puis il arrêtait pas de me téléphoner, puis m'envoyer des lettres. Je sais même pas comment j'ai réussi à m'en débarrasser. Je pense que j'ai déménagé trop de fois, puis ils me trouvent plus. Mais je suis sûr que je suis encore abonné avec eux. Mm. Bande 2. Au centre d'achat, ils viennent t'harceler avec ça. Dans le temps, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis fait avoir. On me propose une carte de membre dans un centre d'achat. Hey, moi, pas capable de dire non, ça. Alors, c'est un petit indice comme ça, si vous voulez me faire m'inscrire à quelque chose, vous savez que je veux dire. Les consommateurs ont dépensé 10,8 milliards de dollars pour la fête des pères cette année, ce qui est 5 milliards de moins que pour la fête des mères. 5 milliards de moins que la fête des mères. Eh bien, quand même. Earl Tupper, devine c'est qui Earl Tupper? Je ne sais pas. Je pense qu'il va l'avoir si tu devines. Je pense 2 heures. Tupperware. Tupperware, voilà. Donc, Earl Tupper a développé le Tupperware. Il travaillait dans l'industrie du plastique chez DuPont. Et il voulait trouver une utilisation pour le polyéthylène après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après que la guerre soit terminée, il voulait trouver quelque chose de paisible à faire avec ça. Donc, il a créé le Tupperware. C'est vrai que c'est assez pacifique des plats Tupperware. C'est le bonheur en plat, finalement. Lorsqu'on lui a demandé en 1993 pourquoi le professeur dans Les Joyeux Naufragés ne pouvait pas réparer le trou dans le bateau, tu te rappelles de l'histoire, il y a l'éclair qui a frappé. Hein? Bob Denver, qui jouait Gilligan, a répondu « Il n'y avait aucun talent pour réparer les bateaux. » C'est comme ça que c'est lui-même conditionné à comprendre pourquoi, ou à au moins se créer une raison pour laquelle le professeur n'a jamais réparé le bateau. Parce que sinon, ça a l'air un petit peu bizarre en effet. Ça. Il sait tout faire, sauf réparer le bateau. Bon. Deux petits derniers comme ça, les ennemis de Angry Birds. Est-ce que t'es rendu amateur amatrice, Amanda? Oui, ouais. Je l'étais il y a quelques temps. Je me suis un peu lassée, okay. Mais c'est vraiment le fun, Angry Birds. Je me suis tenu vite, moi, ça. Ah, c'est le fun. Donc, les ennemis de Angry Birds ont été inspirés par la grippe aviaire. Ah, porcine. Ben, ça pourrait être aviaire aussi parce qu'il y a des oiseaux et des cochons là-dedans. Donc, dans une entrevue avec le développeur du jeu Ville et Harry, de chez Rovio Mobiles. Les origines, dans le fond, ont été révélées. En 2009, pendant le développement du jeu, la grippe porcine était à son sommet. Alors, les créateurs du jeu ont été inspirés de créer des petits cochons qui avaient l'air malades. Donc, les développeurs chez Rovio Mobile estiment que les fans de Angry Birds jouent au jeu pendant plus d'un million d'heures par jour sur les iPhones seulement, et il est disponible sur d'autres plateformes. Hein. On ne compte que les iPhones. Pour terminer, les militaires, comment t'appelles ça? Comment tu t'englobes le mot? Les militaires. Mais les personnes? Ouais, ben non, oui. Mais l'armée englobe. Pas juste des personnes, en tout cas, bref. Oui. L'armée militaire américaine, bon. A utilisé une chanson de Barney and Friends pour interroger les prisonniers pendant la guerre en Irak. Bon, c'est cruel comme ça. Au début de la guerre en Irak, les troupes américaines faisaient entendre à des prisonniers irakiens des chansons qu'ils trouvaient le plus fatigantes possible pour les faire parler. Donc, la playlist, entre autres, il y avait la chanson de Metallica, Enter Sandman. Hein? Entertainment. Je ne le connais pas tant que ça, mais bon, c'est pas grave. Il y avait aussi, évidemment, le grand succès de Barney, I Love You. I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Ah, c'est beau, hein? Ah, que c'est beau. Et aussi la chanson qu'on entend souvent dans les films Buddies, qu'on va entendre juste après. Donc l'idée derrière ça, évidemment, la stratégie, c'était de vraiment déranger les prisonniers. Les pousser à bout, hein. Et voilà, les pousser. Parce que bon, une fois comme ça, Barney, ça passe. Ça rappelle des souvenirs, mais 180 fois une à la suite de l'autre, j'imagine tout le temps, non? Trois fois, peut-être moi, ça serait peut-être mon maximum. Mais ils sont plus tough que ça, j'imagine. Là. Tellement que c'est de la torture. Amnesty International a dit que c'était possiblement de la torture en tant que telle, c'est ce qu'il disait. Wow. Ouais. Il appelait ça la Barney Torture et il y a quelqu'un qui a vécu ça, un Américain qui a vécu cette torture-là, qui a dit « Je veux jamais plus vivre ça de ma vie. » Ah ben, quand même. Dans le fond, les États-Unis ont une historique complète là, de la, si on veut, la guerre musicale. On dit qu'en 89, les Américains faisaient jouer de la musique rock pour forcer le dictateur du Panama, Manuel Noriega, pour qu'il se rende, voilà. Donc, on va entendre Bodies, et puis ça va terminer la première moitié de cette chronique. C'est un fait. Une autre tantôt. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Ah, m'énerve cette chanson-là, moi aussi. Juste une fois. Let the body set the floor. Marie-Pierre est en larmes. Cesse, sèche tes pleurs, ma sœur, comme je dis. C'est pas mieux ça non plus. Ça pourrait être de la torture, ça aussi, sèche tes pleurs. Non? Mais je sais pas, moi, de la musique comme ça, comme tu viens de faire jouer, là, ça m'agresse. Je deviens comme mal en dedans, puis je sais pas. Moi, il m'aurait eu à première écoute. J'avoue tout, j'avoue tout. J'avoue tout. Moi, ce qui me fait ça, c'est la première chanson juste avant notre première diffusion du jeudi. Non. En général, vers les 13h-5, c'est souvent une chanson comme ça, puis ça m'énerve au plus haut point. Ça nous fait un très bon lead-in, je trouve, pour Assemblage Requis le jeudi. Soyez à l'écoute d'ailleurs jeudi prochain à 13h et écoutez juste avant. Non, écoutez pas juste non. avant. Écoutez dès 13h. Mettez votre alarme. Bon. Donc, c'était Bodies de Peu importe qui et je m'en fous. On va continuer avec le prochain bloc de Palmarès. On est dans le côté francophone cette semaine et on va aller écouter un petit bloc de deux pièces. Tout à l'heure, il y aura Christian Jacques avec le comptoir des viandes et on espère que c'est pas du poulet parce que ça me donnerait des mauvaises images dans ma tête de poulet avec la tête tranchée pendant 2 ans. Non. Oh. Oh. Et juste avant, on va entendre Taco Tubo avec Super Héros en 17e position. À la vie de croisière d'assemblage rocké. Seul. Et quand tu pleures, j'essuie le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci, personne ne meurt. À bord de ça, on court un peu. On ouvre la porte, on fourmillière sur le plancher, un peu perdu, un peu écrasé par la solitude qui dépose toujours son pied là. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, et cette fois-ci c'est elle qui crève. Je vais te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, je suis le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci c'est moi, c'est toi. On tourne et tourne autour de tout, de nos pouvoirs qui s'essoufflent. On s'accroche mal un peu partout, car le vous êtes assez fou. L'écouter. 89.1. Vous écoutez La Vie de croisière d'Assemblage Requis sur C'est Fou. C'est le nouvel endroit branché où les meutes postmodernes viennent pour y tripoter des pièces de viande. Bien ferme, une viande entourée d'amis, à peine de puberté sortie, me lance un constat de sagesse pendant que tous mal mire car les tresses me dit. La vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas ça surprendre. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Une autre viande a frappé un os, une fille l'a pris pour un malade. Il la voulait pour ses noces, elle seulement pour une balade. Le pauvre a viré un peu fou dans la rue, il a fait la roue. Puis s'est réveillé dans une chambre portant une camisole blanche. Il me dit, la vie c'est une vraie boucherie, et je me suis encore fait prendre. Ah. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Venez manifester votre filet mignon d'intelligence. Il y a une belle brochette de personnel. Et que dire de la clientèle vous traitera comme de véritables morceaux de viande. Le dernier endroit branché où Marine la dépeine dans les parfums chers payés et tous de marque italienne. Toi dans le triangle amoureux, quelle coupe de viande te convient le mieux? Ton triangle passe au carré, la scie ou le couteau de boucher. Oh ouais, la vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas te reprendre. Ah. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Le comptoir des viandes, évidemment par Christian Jacques, position numéro 16, se descend d'une place du côté francophone. Et juste avant, c'était Takotsubo avec Super-Héros. Maintenant, on parle un petit peu de la Saint-Jean parce qu'il y a des activités qui ont lieu pendant plusieurs jours et à plusieurs endroits, dont à Trois-Rivières. Oui, dont à Trois-Rivières, mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ailleurs. Oh! Parce que des fois, bon, Trois-Rivières, moi, je suis jamais allée à Trois-Rivières parce que je viens pas du coin. Mais pour moi, la Saint-Jean, c'est un moyen, c'est des souvenirs, en fait. Tu sais, quand t'es jeune, t'es dans ton village, tout le temps le même monde, la musique, bon, toujours la même musique, on s'entend. Ouais. Et j'imagine à Trois-Rivières, quand tu viens de Trois-Rivières, à un moment donné, ça devient un peu toujours la même chose. Mm-hmm. Donc, moi, je vous propose des groupes intéressants à aller voir à la Saint-Jean. Entre autres, ce soir, le 23, à Québec, il y aura Karim Ouellette, qu'on a entendu tantôt dans le décompte. Oui. Mais il y aura également Orange Orange, Bernard Adamus, Plume la Traverse et les Trois Accords. Ça, c'est ce soir, le 23 juin à Québec. Mais sinon, demain, donc ça vous laisse un peu de temps pour vous organiser, pour partir en petit groupe, aller voir ça, à l'Assomption. Dans la Naudière, attention, il y a Carquois. Oh. Ça, c'est intéressant. Et toujours le 24, à Montréal, il va y avoir Rufus Wainwright et sa sœur Martha, Marie-Pierre Arthur, Damien Robitaille, ce charmant garçon, Guy Lepage, Charles Bois et Vincent Vallière. Donc, à Montréal, c'est plutôt, Rufus, on peut s'entendre. Je ne sais pas trop à quoi on peut s'attendre. Il me semble que ça fait longtemps, je n'ai pas rien entendu de lui. Marie-Pierre Arthur, c'est toujours intéressant aussi. Je pense que Montréal, demain soir, ou l'Assomption, c'est l'endroit où aller. Et ce soir, à Québec ou à Trois-Rivières. Donc, Québec, ça risque d'être intéressant aussi. Parfait. Super. On va aller entendre un petit peu d'Orange Orange. Ça te dérange pas? Très bon. Avec la pièce Sors-moi, je trouve que ça donne bien, ça. C'est bon. Donc, Sors-moi d'Orange Orange, tout de suite à la vie de croisière. D'assemblage requis. Ce soir au cinéma. Dis-moi, dis-moi. Je suis libre. libre de quoi que ce soit. Et toi, ah. Je me contenterai de presque rien, même d'un navet en ukrainien. Je te tends la main, prends-la, prends-la, sors-moi. Sors-moi. Qu'est-ce qu'il y a ce soir près de chez toi? Dis-moi, dis-moi, ah. Je suis libre de qui que ce soit. Et toi, ah. Je me contenterai de presque rien, d'un baiser ou d'une poignée de main. Je te tends la joue, prends tout, sors-moi. Ah, ah, ah, ah, ah. Avant que j'implose, avant que j'explose, tout ce qui est mort en moi, sors-moi. Sors-moi. Qu'est-ce qui sort du noir? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ben là, franchement, c'est ben trop cute comme éternuement, franchement. Attends un peu, là. Attends un peu. Donc, on vient d'entendre nos amis d'Orange d'Orange avec la pièce « Sors-moi » ici dans Ville Croisière d'Assemblage Requis. On rappelle qu'ils vont être des festivités de la Saint-Jean. Oui, à Québec ce soir. Ah ben! Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, allez sur fêtenationale.qc.ca. Donc, tous les artistes qui vont être présents à toutes les fêtes nationales sont inscrits par région, par ville. Donc, il y a de quoi aller chercher toutes les informations sur fêtenationale.qc.ca. Peut-être qu'un jour, ce sera fêtenationale.québec, parce qu'on en parlera tantôt. Les nouveaux domaines.québec, ça s'en vient. Je suis pas geek, mais j'ai entendu parler de ça. Bon, ben, Caroline. Ben, j'en parlerai pas là-bas. Donc, tantôt dans la chronique, le scout des internets. Ça sent bien. On va aussi parler, entre autres, de Google qui va numériser des livres de la British Library. Mm-hmm. Et d'une prise d'otage en direct sur Facebook. Une nouvelle que vous n'avez peut-être pas entendue encore. Mais pour l'instant, on s'en va en palmarès. On va retourner avec les positions numéro 14 et 15. Tout à l'heure, il y aura les Jigs avec Qu'est-ce que tu fais en position numéro 14. Mais on va écouter Métagruo avec Feu de poubelle. T'aimes ça, Feu de poubelle? Hein? C'est pas mon préféré. Non? Non. T'aimes le titre? Non plus. Non, j'aime mieux le contour des viandes. Ah ouais? C'est plus drôle. Hein? Ah. We'll be right back. numéro 14. Avec Qu'est-ce que tu fais, position numéro 14, ça descend de la 6e place dans le palmarès francophone. Et juste avant, c'était Métagruau avec Feu de poubelle. Manum, manum. Mm. Pour le gruau. Ouais. En fait, pour moi, ça goûte pareil comme un feu de poubelle du gruau. Bon. Sauf s'il y a du sirop d'érable. Ah, exactement. Hey, t'apprends vite et tu retiens ce que je te dis. C'est ça, t'écoutes. C'est bien. Parlons un petit peu de Guy Laliberté. Ben oui, j'ai vu sur Internet et ça m'a un peu fait drôle parce que bon, on se souvient qu'il avait été dans l'espace en voyage de touriste. Mm-hmm. C'est quoi, l'année passée? Mm-hmm. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais ce qu'on ne savait pas nécessairement, c'est qu'il est allé dans l'espace, mais accompagné de plusieurs appareils photos. Ah. Donc, j'ai lu qu'il avait apporté un objectif pour mettre après l'appareil photo, mais super gros. Mais étant donné qu'il était dans l'espace, bon, en apesanteur, ça allait bien. Mais il a pris quelque chose comme 10 000 photos dans l'espace. Okay. Puis il va sortir un recueil avec ça. Il va faire une exposition avec des toiles géantes. Et tout ça pour amasser de l'argent pour l'organisme sur l'eau. C'est, mon Dieu, est-ce que tu sais c'est quoi le nom? Attendez. Évidemment, c'est parce que je veux en parler que je trouve pas le nom. Moi, je trouve que c'est déjà difficile de mettre ces photos quand t'en prends une vingtaine sur Facebook, tu sais, les trier pour pas avoir deux fois la même affaire. Ouais. Imagine quand t'en as 10 000. Oui, mais l'organisme, c'est OneDrop. Donc, il y a des profits de ça. Ça va aller à l'organisme pour que les gens aient de l'eau potable à boire. Ça tourne autour de ça. Et bon, il va sortir ça. Et ce qu'il a essayé de faire, c'est d'aller chercher un peu l'enfant en lui. Donc, quand tu regardes des nuages, tu vois... Des fois, on se met à voir un lapin. Donc, il essayait de faire ça, mais autant en photographiant les villes qu'en photographiant les volcans, les campagnes. Il essayait de prendre un peu de tout. Mais bon, comme c'est dit là, il n'y a pas d'image, mais on peut s'imaginer facilement ce à quoi ça peut avoir... De quoi ça peut avoir l'air, tout simplement. Rappelle-nous, est-ce que tu te souviens, Guy Laliberté, à la base, c'était qui déjà? C'est le fondateur du Cirque du Soleil. C'est ça. Oh, je suis désolée de ne pas l'avoir dit. Non, mais c'est oui, bon, mais c'est... j'étais plus sûr. C'est le fondateur du Cirque du Soleil. D'accord. Et il a dit aussi que de ces photos-là, il allait même essayer de construire un peu un spectacle, utiliser des images pour les spectacles du Cirque du Soleil, mais également pour faire les costumes. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ça peut donner un résultat totalement époustouflant. Ouais. J'ai vu l'avant-goût de leur spectacle. C'est quoi? Eau? Celui avec l'eau? Ça se peut, le Cirque du Soleil. Si je me rappelle bien, c'est le Cirque du Soleil. En tout cas, avec les plateformes, genre dans le bassin d'eau qui était synchronisé pour que les gens puissent sortir de l'eau puis après ça marcher sur l'eau. Puis ça, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Donc, un reportage sur, je crois que c'était... on va continuer avec une dernière pièce du palmarès pour cette première heure. C'est On a créé un monstre avec Je pleure ou je ris qui descend de la quatrième place. Et puis après ça, on va revenir, on va se reparler puis on va s'annoncer qu'est-ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. Hein? Exactement. À la place de tout le temps dire qu'est-ce qui s'en vient sans cesse, comme j'aime le faire d'habitude, on distance un peu. Allons écouter de la bonne musique. Une goutte à la fois. One drop. One drop. Où je ris, on a créé un monstre en position numéro 13. Voilà pour la première heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec une deuxième heure et on a en deuxième heure, entre autres, Myriam Fugère. Oui. Mademoiselle Giraffe, on va l'appeler aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est plus ce dont elle va nous parler. Oui, je dirais que c'est plutôt ça. Hein? Ouais, c'est ça. Elle va être amie avec les girafes. Comme quels animaux sont amis avec les girafes? Il n'y a pas le lion, si on se fait à Madagascar. Ah, peut-être. Film. Ah, Caroline, tu as des références au climat. L'hippopotame. Mm-hmm. Ben oui, tout à fait. Bon. Donc, dans la deuxième heure, on va aussi avoir la chronique Le Scout des Internets. Et Simon Fédibé n'est pas avec nous cette semaine, donc je vais essayer de le remplacer et de vous parler de choses geeks, comme je le faisais dans le temps, mais encore plus décousu galant. Mm. Non, c'est... On va aussi avoir en musique Panache, Jean-Philippe et Philippe B. Caroline, Jean-Philippe et Philippe B. Oui. On aime ça. Mais pour l'instant, on prend une petite pause, OK? D'accord. On se crème un peu. Peut-être aller se commander un drink, non? Pourquoi pas? Vous Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Déjà de retour à la vie de croisière d'Assemblage Requis, votre émission estivale en pièces détachées, c'est Marie-Pierre Laforche-Bourret. Et la personne en face de moi, c'est Mathieu Plante. C'est pas poli de pointer, mais je le fais quand même, avec les deux mains. Mais je te respecte quand même, mais j'aime ça pointer, c'est ça. Ça fait de quoi à faire avec mes membres. Donc, on est rendu à la position numéro 12, c'est Panache avec Catherine, entre parenthèses, ou une journée mémorable. Ça descend de 10 places. Par contre, c'est triste. Très triste. Très triste. Mais bon, que voulez-vous? Après ça, on va parler de choses geek. Je vais essayer, en tout cas, de t'en parler. C'est bon. Je suis plus habitué, hein. Je suis tout rouillé. Renversé de toute manière bien trop fort. Avec des papilles saturées, le récepteur et l'émetteur, le téléphone et tes clients que tu abandonnes sans remords. Pour personne, les remords le matin, c'est bien trop, c'est certain. Sur le plancher de danse, on piétine ensemble. Mais à quoi tu penses? À quoi tu penses? Que tu t'es retrouvé couvert de jambes blanches dans une chambre noire. Des noirs encore, des remords du matin que tu connais trop bien. Tu les connais trop bien quand tu es là. Et le cellulaire t'explose. La vie, je dirais Go, mais après, je vais dire Van Gogh. Est-ce qu'on va parler de Van Gogh? Ben oui, c'est ça. Une petite nouvelle qui est sortie cette semaine. Un des autoportraits que Van Gogh aurait fait, bon, il l'avait nommé autoportrait, donc on se dit, bon, c'est lui-même qui s'est peint. Mais non, les chercheurs ont découvert que c'est en fait son frère Théo. Donc Théo, qui était un peu le mécène de Van Gogh, il l'aidait à vivre de son art. Donc étant donné que Van Gogh faisait peut-être pas autant d'argent qu'il aurait voulu, son frère Théo le soutenait financièrement. C'est le fun de Théo Van Gogh comme nom, en passant. Théo Van Gogh? Pas si pire, pas si pire. Et donc, les chercheurs qui ont étudié la toile qui est exposée, en fait, au musée de Van Gogh à Amsterdam. D'ailleurs, si jamais vous allez à Amsterdam, c'est un des endroits à voir. Je suis allée et c'était... T'es allée? Oui, je suis allée. Ah, oui. Et le musée Van Gogh, c'est totalement... je suis fan de Van Gogh et c'était adorable. Ah, je savais pas donc, ça. Donc, c'est un endroit à voir à Amsterdam. Je vous dis ça comment. Y vas-tu la semaine prochaine? Oui, c'est ça. Mais bon, ils ont découvert que c'était son frère parce qu'en analysant la couleur de la barbe, ils se sont rendus compte que il s'est... La barbe de Van Gogh est plus rousse, alors que la barbe de son frère est plus blonde. Okay. Et c'était la forme des oreilles qui leur a donné un peu la piste. Donc il y avait des grosses oreilles ou des petites oreilles? Non, c'est que supposément que celle de Théo, le frère de... C'est l'histoire de lobe qui n'était pas attaché, c'est ça? Non, c'est pas la question des oreilles arrachées, mais c'est que le lobe de son frère, donc le lobe de Théo, était plus rond, quelque chose comme ça. Donc les oreilles et la barbe, ça résout des mystères. Ça dit tout, ben oui. Oui. Eh ben. C'était un petit fait comme ça. J'aime ça. J'avais eu un fait à un moment donné dans la chronique, c'est un fait. Évidemment, comme la plupart des faits, je m'en rappelle plus vraiment, hein, on s'entend là-dessus. Mais qu'il y avait une proportion de gens marqués qui avaient soit les lobes d'oreilles attachés ou pas attachés, puis c'était vraiment comme je m'en rappelle plus de chiffres. C'est le fun, hein, comme fait. T'aimes ça? Hein? Hey, ça me dit grand chose. Est-ce que tes lobes sont attachés à tes oreilles ou pas, toi? Bah. Genre à ta Non. Oh, c'est ça? Non. Non. Bon, ben c'était super, ça. On dirait que c'était troublant. Hein? Comme les question? Oui. Ben, se tenter les oreilles en ondes à la radio particulièrement, je trouve que ça a bizarre. Ça n'a pas bien d'allure. Donc, on va y aller avec la chronique Le Scoot des Internets. Je pense que ça va être pas mal plus savoureux ou encore inconfortable, dépendant d'eux. On va voir. Scoot des Internets! En tout cas, la chanson est inconfortable. Au moins, ça commence par ça. C'est moi qui chante dans la chanson, c'est inconfortable. Commençons avec Bureau en gros qui lui aussi a commis quelque chose d'inconfortable. Des ordinateurs vendus avec des renseignements personnels dedans chez Bureau en gros. Des informations personnelles comme des numéros de passeport, des numéros d'assurance sociale et des renseignements bancaires ont été trouvés sur des appareils usagés vendus par Bureau en gros. Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada a mené une enquête auprès du détaillant à la suite de plaintes qu'il avait reçues. Près de 150 ordinateurs, clés USB et cartes mémoire usagées en vente chez Bureau en gros ont été testés pour voir si leur contenu avait été supprimé avant la mise en marche. Le tiers des produits contenaient encore des données sur les clients, des numéros de cartes d'assurance maladie, de passeport ou encore des dossiers d'impôts ont été trouvés sur les appareils. Les appareils photo vendus par Bureau en gros et examinés par le commissariat ne contenaient pas de données personnelles, mais des GPS révélaient les adresses des anciens propriétaires ainsi que leurs déplacements. Mais c'est drôle, je savais même pas que je pouvais, par exemple, aller revendre ma carte chez Bureau en gros. Je sais pas si c'est plus un retour. Un retour? Sûrement, parce que je crois que la loi fait que tu peux ramener pas mal n'importe quoi chez Bureau en gros. Mais c'est quoi, tu le rapportes? Eux, ils... devraient le réeffacer, c'est ça. Et puis okay. Peut-être qu'ils leur vendent comme boîte ouverte. Par contre, moi, en tout cas, c'est une théorie, puis on me dira le contraire. Sûrement que c'est peut-être pas vrai. Là. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, ils vendent des choses pas comme boîte ouverte, genre comme neuf, parce qu'ils remettent le petit collant dessus. Mais c'est dans le fond, ça a déjà été ouvert et remboursé. C'est sûr que si ça paraît pas physiquement, ça a l'air pareil, tu le revends au même prix. Alors que si ça paraît que la boîte a été déchirée, là, tu peux le vendre boîte ouverte. En tout cas, bref. Les conclusions de la vérification sont particulièrement décevantes compte tenu du fait que nous avions déjà enquêté sur deux plaintes déposées contre Bureau en gros au sujet de dispositifs de stockage de données retournées et que l'entreprise s'était alors engagée à prendre les mesures correctives nécessaires, a déclaré la commissaire Jennifer Stoddard par voie de communiqué. Bureau en gros a indiqué travailler étroitement avec le commissariat et je cite encore, Bureau en gros a mis en œuvre des changements qui vont au-delà des pratiques de l'industrie en ce qui a trait à la suppression des données personnelles sur les appareils de stockage retournés. Ces changements sont conformes au niveau de protection exigé par le commissariat à la protection de la vie privée. Le commissaire à la vie privée demande aux détaillants de soumettre d'ici un an un rapport pour préciser de quelle manière l'entreprise s'est conformée à ses recommandations. C'est stressant, moi ça me dérange sérieusement. Parce que, je sais pas, est-ce que je l'avais raconté en ondes? Je crois que oui. J'avais acheté une console, une PSP. Oui, je l'ai raconté, je m'en rappelle avec Simon. Je l'avais acheté, la PSP, la console de jeux vidéo. Dedans, tu peux te faire un compte et lier ta carte de crédit pour pouvoir faire des achats sur le magasin. Et puis ça les retient. Donc moi, j'avais été retourner mon appareil au magasin où je l'avais acheté. J'avais oublié d'effacer les données de dedans. Donc j'ai dû appeler pour faire annuler ma carte de crédit. Et là, j'ai plus de carte de crédit depuis comme 3 semaines à cause de Post Canada. Mais en fait, avec ça, il n'y avait pas eu un problème... un réseau qui avait été un peu hacké. Fait que le monde, Sony, il se montait des factures abominables sans que ce soit eux. C'est pas ça? Ah, ça se peut. Mais je sais pas, je m'étais fait expliquer que c'était justement les jeux Nintendo et que les personnes, bon, ils rentraient leur numéro de carte de crédit et des méchants hackers rentraient et montaient des comptes abominables à ces personnes-là. Ils se rendaient compte que leur carte était pleine alors qu'ils n'avaient rien mis dessus. Là. Ça peut arriver tellement facilement. C'est vraiment désolant. Désolant que les gens fassent ça de nos jours encore. Mais c'est désolant aussi que les compagnies ne mettent pas plus de sécurité. Exactement, ils ne sont vraiment pas sécurisés la plupart d'entre elles. On en parlera un petit peu tantôt. D'ailleurs, il y a un article là-dessus. Avant ça, parlons de la tablette Android d'Amazon qui s'en vient. Amazon, qui est le site d'achat en ligne, ils seraient sur le point de lancer leur tablette tactile maison pour la fin de l'été. DigiTimes rapporte que des fabricants taïwanais lui ont dit qu'Amazon lancera la tablette en Amérique du Nord et en Europe au mois d'août ou septembre. Il compte écouler 4 millions d'unités d'ici la fin de l'année, soit entre 700 000 et 800 000 ventes par mois. La tablette sera équipée d'un processeur conçu par Texas Instruments et d'un écran fabriqué par Wintech. Il va y avoir... sautons les détails ici. DigiTimes confirme aussi une vieille rumeur affirmant qu'Amazon va proposer gratuitement un service vidéo en flux continu, donc en stream pour ceux qui ont la tablette. Cette tablette-là, sous Android, fait l'objet de rumeurs depuis l'automne 2010. On attend encore le prix de cette tablette d'Amazon. Voilà. L'article date d'aujourd'hui, donc peut-être que c'est sorti pour ceux qui écoutent la reprise. La prison pour avoir piraté des chansons de Lady Gaga, nous dit un article de Cyberpresse. Deux hommes ont été condamnés à 18 mois de prison. L'un ferme, l'autre avec sursis pour avoir piraté puis diffusé en 2009 des chansons inédites de Lady Gaga et Mariah Carey. Youpidoudaidou. Prise d'otage en direct sur Facebook maintenant. En fin de semaine dernière, donc celle qui vient d'arriver, là, on est encore une fois jeudi le 23 en ce moment. Donc en fin de semaine dernière, un homme de 36 ans a pris en otage une jeune femme pendant 16 heures dans une chambre d'hôtel de l'Utah aux États-Unis, étant encerclé par des équipes de SWAT. L'homme s'est occupé à mettre à jour son profil Facebook via son téléphone Android. Durant les 16 heures qu'aura duré la prise d'otage, Jason Valdez aura publié 6 mises à jour sur son profil, ajouté une douzaine de nouveaux amis et posté 2 photos avec son otage. Dans son premier post sur son babillard, Jason Valdez indique être dans une impasse et je cite « Je suis actuellement dans une impasse. D'accord. Mais prête à tout, je vous aime les amis et si je ne sors pas de cet endroit vivant, c'est que je suis dans un meilleur endroit. Vous avez tous été de bons amis. » C'est déjà pas banal, nous dit l'article de Branchez-vous, mais un ami qui lisait les mises à jour de son babillard l'a prévenu qu'une équipe de SWAT s'était positionnée et qu'un agent s'était glissé dans les buissons. Et je cite « Merci l'ami, sympa de veiller dehors. » T'es trop gentil de veiller, de checker, genre. Ses proches ont posté une centaine de messages, parfois pour le convaincre de se rendre. Valdez a par ailleurs tenté de communiquer via Facebook avec les forces de police en les prévenant qu'ils mettaient la vie de l'otage en danger lorsqu'ils ont décidé de couper l'électricité de l'hôtel où ils s'étaient réfugiés. Ils ont coupé l'électricité, évidemment, un téléphone, pas nécessairement besoin d'électricité pour ça. Hein? Dans ses deux dernières publications, il indiquait vouloir relâcher l'otage, Véronica, mais finalement se raviser après une tentative d'intervention du SWAT. 90 minutes après la publication de son 6e message sur Facebook, la prise d'otage s'est arrêtée brutalement par une intervention du SWAT. Jason Valdez a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la poitrine et est actuellement hospitalisé dans un état critique. La police réfléchit actuellement à inculper l'ami de Valdez qui l'a prévenu de la position des équipes de SWAT et je cite, nous en discutons. Pour essayer de comprendre comment nous pouvons gérer ce genre de choses. Il me semble que c'est un peu abominable comme situation. Ouais. Je sais pas, il y a un problème à quelque part pour que quelqu'un fasse une prise d'otage et mette ça sur Facebook. Là. C'est qu'il y a un problème, il y a vraiment un problème. Il se passe dans un film, je sais pas. Il y a un problème dans sa tête, plus, je pense. Il me semble que je verrais ça de quelqu'un dans mes contacts, je pense que je capoterais. Ouais. Tout simplement. C'est clair. Ou il y en a qui pensent que c'est des blagues. Parce que c'est comme ça, toujours. Google et la British Library, un petit peu moins déprimant dans ce cas-ci, ont lancé un projet qui vise à numériser 250 000 livres de la bibliothèque britannique. Dévoilé plus tôt cette semaine, lundi, en fait, ce projet s'inscrit dans la vaste entreprise de numérisation menée par la société de Mountain View qui propose déjà 13 millions de livres sous forme numérique. Google assumera les coûts de numérisation des quelques 40 millions de pages. Les ouvrages seront consultables sur son moteur de recherche, disponible en téléchargement et en lecture via Google Books. Il sera en outre possible de trouver des livres sur le site de la British Library qui les stocke dans ses archives. Les livres couvriront la période de 1700 à 1870 et des événements comme la Révolution française ou l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est intéressant pour le monde qui font des études sur ces années-là. Mm-hmm. Souvent, c'est difficile à trouver parce que, bon, par exemple, t'es en littérature, tu fais ça sur le 18e siècle, on s'entend que t'as pas les documents ici à Trois-Rivières, hein, ni probablement à Montréal. Donc, le fait que ce soit sur Google, on dirait que ça va faciliter beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Ça a beaucoup de valeur. En Europe, le géant de la toile ne numérise que des œuvres libres de droit, mais il n'en est pas de même aux États-Unis où, à la suite de telles opérations effectuées dans le cadre de partenariats avec des fonds, une bataille juridique s'est engagée en 2005 entre des auteurs, des éditeurs et Google. Le dossier n'est toujours pas réglé d'ailleurs. La British Library travaille avec plusieurs partenaires à la numérisation de ses fonds d'ouvrages et espère proposer au public des versions numériques de ses 150 millions de documents d'ici 2020. Un précédent partenariat avec le géant Microsoft avait permis de numériser 65 millions de livres du 19e siècle, dont plusieurs sont désormais disponibles via une application sur iPad. Très bonne nouvelle. La nouvelle dont on a entendu parler, peut-être que vous aussi à la maison, la création du domaine .Québec serait assurée à 99% en date d'aujourd'hui, le 23 juin. L'organisme .Québec, et là, point en mots, qui fait pression depuis 4 ans auprès de l'ICANN, l'autorité régissant les noms de sites sur Internet, est plus enthousiaste que jamais face à la création du domaine .Québec. Si tu vois, comme prévu, les internautes québécois pourront créer des adresses Internet avec ce suffixe dès la fin de 2012. Et je cite, « Nous comptons soumettre le projet de création du domaine .Québec pour une activation à la fin de 2012 ou plus tard, au début de 2013. Les chances que ça se réalise sont très bonnes. » C'est ce qu'a confié Normand Fortier, responsable de .Québec à La Presse. Ça, c'est un organisme à but non lucratif, .Québec, pas La Presse, évidemment, hein, qui fait la promotion du .Québec depuis 2007. Il établit à 99% les chances qu'il soit créé. Et on dit que ce serait bon pour le Québec et que c'est un projet nécessaire. L'article est super long. Retrouvez-le sur assemblagerequis.com, évidemment. Continuons avec Une autre nouvelle sur les points, sur les noms de domaines. On parle de iPod.apple, par exemple. Très, très bonne nouvelle. L'organisation en charge de l'encadrement des noms de domaines a autorisé à Singapour l'utilisation de nouveaux noms de domaines pour les entreprises privées, l'une des évolutions majeures du monde de l'Internet depuis des années. Le conseil d'administration de l'ICANN, dont on parlait il y a quelques secondes, a approuvé le lancement des noms de domaines utilisant pour suffixe les noms d'entreprises. Donc, au lieu de se terminer par .com, .org ou .net, les adresses pourraient donc désormais se terminer par un nom d'entreprise. Et je cite, « Il s'agit du plus grand changement concernant les noms de domaines depuis la création du .com il y a 26 ans. » Ça, c'est un gars de chez Melbourne IT Digital Brand Services. De grands groupes comme Apple, Toyota ou BMW, pour citer des marques de différentes régions du monde, pourraient donc, contre un énorme paiement, on peut se douter, lancer des sites à leur nom. Les entreprises qui en bénéficieront le plus sont les grandes marques, avec un marketing clair et une stratégie orientée vers le client. Ajoutez le gars dont... d'un gars qui se répète puis qui dit la même affaire deux, trois fois. On dit, l'un des membres du conseil d'administration a dit, celui qui était favorable à la proposition, estime que les gens vont trouver que les nouveaux noms de domaine peuvent porter à confusion. Mais c'est ça, je me disais aussi, étant donné qu'il va en avoir plein, plein, à un moment donné, bon, lequel... tu sais, par exemple, quand tu as à peu près une idée de ce qu'est un site, tu dis, bon, je vais aller essayer ça. Il me semble que ça va être compliqué savoir la bonne finale, le bon point, quelque chose. Ça va juste, c'est ça, rajouter une étape de plus. Tu sais, mettons, tu tapes apple.com, là, est-ce que ça va être, bon, iPod.apple? À la place de apple.com/iPod, ça change rien, je comprends pas. Mais bon. On va terminer cette première partie. On fera une deuxième partie tantôt avec une très, très, très bonne nouvelle. J'ai vraiment adoré cette nouvelle-là. Peut-être que tu en as entendu parler. Sinon, en voici des détails. Un tétraplégique qui attire l'attention du gouvernement grâce à Twitter. Grâce à Twitter, un entrepreneur web tétraplégique qui a récemment vu ses conditions de vie se dégrader a pu rallier plusieurs membres du gouvernement français à sa cause. C'est l'histoire d'un entrepreneur web de 43 ans qui vit en France, Louis Van Prostdige, qui est tétraplégique depuis l'âge de 16 ans. Louis a un blog sur lequel il décrit ses conditions de vie. Il est pris en charge par une association qui donne des soins hospitaliers à domicile. Donc, jusque-là, tout allait bien, sauf que l'association a récemment changé son protocole de soins. Au lieu d'avoir une douche par jour, on lui en donne plus qu'une fois par semaine. Ouh! Son lit médicalisé est remplacé par un lit dur et plus petit. On l'aide à se coucher à 22h, même 21h au lieu de minuit. Bref, tout son quotidien est chamboulé. Et cela se ressent bien sûr dans son travail. Donc, lundi dernier, Louis, qui est sur Twitter, le LVP, il publie un lien vers son blog. Ses suiveurs ou followers retweetent le lien. Puis, l'effet fait boule de neige. Et ça continue jusqu'à atteindre plusieurs membres du gouvernement français. Le premier à réagir est le ministre de l'Industrie lui-même, Éric Besson. Donc, le ministre a déclaré, je cite, « Je demande à mon cabinet de le recevoir vite, je vais essayer de l'aider. » C'est gentil, hein? Et puis, en milieu de journée, c'était la semaine passée, disons, juste en général comme ça. Le cabinet d'Éric Besson a déclaré sur Twitter « Merci de votre intention. LVP a ouvert une brèche. Nous allons travailler à engager l'action plus en avant et plus largement. » Donc, Louis a pu discuter avec Santé Service, l'association de soins, et revoir les conditions de son contrat. Donc, un bel exemple de solidarité et de réaction grâce à Twitter. Et d'ailleurs, il y avait une autre nouvelle sur Twitter que j'ai pas dans mes liens en ce moment, mais c'était un gars qui était en train de... Je sais pas si c'était Facebook, en tout cas. Le gars, il avait mis quelque chose dans son grille-pain. Je sais pas trop quoi. Il était en chaise roulante, il était handicapé. Tout ça. Il avait mis quelque chose dans le grille-pain. Et puis, ça a pris en feu et puis il pouvait pas contacter personne ou le faire lui-même, arrêter ce feu-là. Donc il a été sur Twitter ou Facebook et puis il a envoyé le message en disant c'est pas une blague. Puis ses amis ont appelé les pompiers et les pompiers se sont pointés. Donc les médias sociaux font des bonnes choses des fois. J'aime ça. Au moins. Quelques fois. On va retourner en musique un petit peu. On va aller entendre un extrait du palmarès anglophone. C'est les Black Lips avec Modern Art. Puis on reviendra avec quelques petites autres nouvelles sur le scoop des internets. Il y aura entre autres une façon de vous convaincre d'acheter des Blu-ray. On va aussi parler de l'Odorat Vision et de l'iCloud de Apple dans la deuxième partie. Pour l'instant, Black Lips sur C'est fou. Yeah. Modern Art des Black Lips. On retourne à la chronique. Le Scout des Internets. Scout des Internets. Marie-Pierre, est-ce que tu as un lecteur Blu-ray? Non. Non. Est-ce que tu as déjà vu un Blu-ray? Physiquement, sur une télé, mettons, pas un disque. Non. Bon. Donc, peut-être que tu vas être convaincu par cette offre-là. Les disques Blu-ray se vendent bien, mais certains aimeraient qu'ils rapportent plus d'argent, dit un article de branchezvous.com. Toutes les tactiques sont bonnes pour accroître les ventes. L'une d'elles consiste à mettre un billet de cinéma dans le boîtier du film. Donc, le phénomène n'est pas nouveau, mais semble viser de plus en plus de films. On prend, par exemple, le film Cars 2, film d'animation qui va arriver en salle demain, le 24 juin. Plusieurs consommateurs n'ayant pas vu le premier épisode, ben ils vont aller acheter le Blu-ray et le billet de cinéma va être dedans. C'est une bonne idée, je trouve. Pourquoi pas? Voilà. J'aime ça. Ensuite, les autobus de la STM, oui, vont être dotés de GPS à partir de 2014. Mais pourquoi faire? Ben oui. La Société de transport de Montréal planche sur un projet de gestion de sa flotte d'autobus par GPS. Le projet iBus verra chacun des bus de la ville doté d'affichage numérique, d'annonces vocales et de GPS dans le but de donner des informations en temps réel aux utilisateurs. Et je cite, « Grâce à iBus, les utilisateurs vont savoir en temps réel quand leur autobus va être à l'arrêt. » Donc, ça va te dire à quelle distance il est. Donc, si t'es en retard ou si tu viens de le rater. Tu sais, seulement tout le temps, tu demandes aux autres autour de toi est-ce que la 2 est passée? Ouais. T'auras plus à faire ça. Ça, c'est génial. Attends, j'ai pas exactement compris comment ça fonctionnait. Mais si t'es pas à l'intérieur, comment tu peux savoir est rendu où? C'est une bonne question. J'imagine que tu vas pouvoir suivre sur ton téléphone cellulaire le GPS. OK, donc c'est pour les gens qui ont des téléphones cellulaires. J'imagine, okay. C'est pas vraiment précisé. Peut-être dans le reste de l'article. Allons voir. Ce système permettra donc aux utilisateurs d'utiliser leur téléphone intelligent. Quand même, j'ai deviné voilà. Ça. Pour savoir à la minute près où se trouve leur autobus, les interruptions de service ou les retards seraient donc répertoriés et affichés directement sur le site web de la STM. Ah, OK. Hey, c'est pas génial, ça. De plus, un peu comme dans plusieurs villes européennes telles Londres ou Salamanque en Espagne. J'imagine que c'est Salamanque. Hein, chose de suave et viril comme ça. Des panneaux d'affichage numérique seront installés aux arrêts les plus achalandés, précisant dans combien de temps les autobus vont arriver à l'arrêt. Waouh! Ça veut dire que t'es dans ton cours, puis tu vois la fenêtre, tu vois la pancarte à travers la fenêtre, tu vas pouvoir regarder quand est-ce qu'il s'en vient. Ça, c'est génial, j'adore ça. Je trippe. C'est évidemment pas la STTR qui va faire ça avant peut-être 15 ans. Mais pas tout de suite, juste avant les autobus aux 15 minutes. C'est ça, hein? Ça serait apprécié avant d'avoir le quand est-ce que l'autobus arrive. Ah, et arrêtez de combiner les autobus l'un avec l'autre avec des trajets différents dépendant de quelle journée t'es ou quelle partie de la journée. Ah, les gars! Et je cite encore, le choix de l'emplacement des panneaux n'est pas encore arrêté. Bon, l'enveloppe prévue pour le projet iBus est de 200 millions de dollars américains. J'encourage tellement ça. Tellement. Un autre, avancée technologique que j'apprécie particulièrement cette semaine, c'est l'Odora Vision qui est à nos portes. Avez-vous déjà rêvé, lorsque vous regardez une émission de cuisine, d'avoir l'odeur qui vient avec les pâtes, le hamburger ou le steak qu'il prépare? Dit l'article de Canoë Techno. Moi, je trouve ça bien. Et c'est sûr que ça va donner encore plus faim quand il va y avoir une pub d'un fast-food quelconque avec un hamburger tellement bien préparé devant tes yeux. Il va sentir bon en plus. C'est parce que l'affaire, c'est qu'en même temps, quand il y a des odeurs que t'aimes pas puis qu'à chaque fois que passe la chose, ça projette l'odeur. Moins peut-être. Agréable. Mais en même temps aussi, c'est la question de... Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ben oui! Non? Non. Moi, je trouve pas. Moi, je pense qu'ils vont tester ce marché-là de plus en plus. Peut-être qu'ils vont vouloir repousser les limites. Mettons, tu vas regarder un documentaire à Télé-Québec puis ça va vraiment sentir, mettons, comme la bouse de vache, mettons, dans un champ. Quelque chose. Non, pas sûr. Mais en même temps, ça va être des odeurs assez uniformes. Par exemple, tous les hamburgers sentent la même chose. Je sais pas s'il va peut-être pouvoir, peut-être que dépendant du commerce, mettons, quelqu'un comme McDonald's va pouvoir annoncer et décider de la propre saveur qu'ils veulent mettre dans la pub. Peut-être, je sais pas. On va se mettre des codes, peut-être des mélanges. Je sais pas. Donc, le Smell-O-Vision est une petite machine qui pourrait contenir jusqu'à 10 000 combinaisons d'odeurs différentes. Ah, d'accord. Sûrement qu'on va pouvoir le mettre à jour par Internet, des trucs comme ça, pour avoir des nouvelles odeurs une fois de temps en temps. Une solution aqueuse serait réchauffée, changée en gaz et envoyée dans l'air ambiant sur une distance d'environ 30 cm pour envahir la pièce. Un peu comme des Glade Renews trucs. Bon. Peut-être avec un petit ventilateur comme eux dans les pubs. L'équipe de création n'a pu trouver de solution pour nettoyer l'air pour passer d'une odeur à l'autre. C'est bon. Fait que ça va sentir ça pour le reste de la journée. Pauvre toi, ça. Il y a pas des fois là, des gens qui disent quand tu sens des odeurs une après l'autre, tu sens café. Du café. Ben oui. Donc, quand tu écoutes la télé, ben, tu traînes ton petit pot de café. Tout le monde va voir. Ils vont faire des petits genres de racks pour le bord de ton divan. Tu vas pouvoir mettre ta manette puis ton pot de café. J'adore ça. Plusieurs problèmes de logistique et de contrôle se mettent cependant sur le chemin des gens de Samsung qui aimeraient commercialiser le produit. Quelques odeurs pourraient se voir bannies ou censurées pour le grand public. Et Colin, tu pourras pas sentir des affaires sexuelles, peut-être? Je sais pas. Je sais qu'il y a des alternatives. Quelques plats de chez Casablanca, Cambodiana, je pense. En tout cas, bref, vous savez de quoi je parle. Les odeurs donc qu'on va pouvoir sentir devant cette télé. J'ai très, très hâte. De certaines d'entre elles. iCloud, le nouveau service d'informatique de nuage d'Apple dont on parlait la semaine passée avec Simon, on se rappelle tous, on va pouvoir télécharger sa musique sur différents appareils autant qu'on l'ait acheté une fois. Donc ça a déjà été hacké par les pirates de LolZek, un pastebin anonyme. Et là, pastebin, j'explique, c'est un site où tu peux copier-coller du code sur un portail internet. Tu vas sur pastebin.com, tu colles ton texte puis ça reste là. Bref, ça comporte le logo de LolZek envoyé sur pastebin.com le 21 juin dernier. Ça explique comment les pirates s'y sont pris pour entrer dans le iCloud. Les mots de passe du serveur, et là je vais être technique, les mots de passe du serveur HTTPD d'Apple étaient tous codés selon un protocole très commun de SSH. Et il s'agirait donc de la seule barrière de sécurité, une très très petite barrière installée par Apple afin de protéger les données personnelles de milliers de clients. Et je cite, « Après avoir fait une carte de leur réseau interne et avoir pillé chacun de leurs serveurs, nous avons pris tous leurs codes sources et chacun de leurs mots de passe protégeant leur base de données, puis nous avons transféré ces données sur nos serveurs. » Fin de la citation. L'informatique en nuage est la nouvelle technologie préconisée par Apple et par d'autres compagnies. Évidemment, il s'agit d'envoyer toutes ces informations sur un serveur et d'accéder à ça de partout. Triste. Peut-être Apple, tu sais, c'est assez gros Apple, peut-être un petit peu plus de sécurité. À peine, peut-être. Toujours dans le domaine d'Apple, le cofondateur a été honoré par l'université Concordia. Steve Wozniak, cofondateur de Apple, était à Montréal mercredi dernier. Oui, c'est bien ça, mercredi dernier. Pour recevoir un doctorat honorifique de la part de l'université Concordia. C'est comme Jean Chrétien, mais beaucoup mieux. Et je cite encore, pour son génie et son esprit visionnaire qui ont... refaisons la phrase. Pour son génie et son esprit visionnaire, le mot qui va avec l'autre avant, qui ont révolutionné la technologie de l'informatique, ainsi que pour son dévouement à l'égard de l'éducation et de la jeunesse. Monsieur Wozniak s'est vu offrir un doctorat honoris causa de l'Université montréalaise. Steve Wozniak et Steve Jobs ont formé en 1976 la compagnie Apple. Depuis, il a publié une autobiographie. Il a la réputation d'être une personne excentrique. Il participe à une ligue de polo en Segway. C'est bien, c'est super, j'adore ça. Segway, tu sais ce que c'est? C'est comme un genre de pogo stick, là, tu sais. Avec deux, genre, des poignées et puis deux roues sur le côté avec une tablette dessus. Puis là, tu montes sur ça. Oui. Tu avances et recules avec ton corps. Donc, il joue au polo avec ça. Il construit des robots en Lego et il donne dans la philanthropie, entre autres. Très, très bon bonhomme. Il a même participé à Dancing with the Stars, là. Danse donc des vedettes, là. Oui. Bon. Qui fait la programmation complète de Musimax en ce moment, genre. Oui, qui joue très souvent. N'importe quoi. Le New York Post bloque l'accès à son site depuis un iPad. Ça, c'est la nouvelle qui me fait frustrer cette semaine. J'ai pas d'iPad, mais je trouve ça vraiment stupide. Le tabloïd américain New York Post a bloqué l'accès à son site Internet depuis le navigateur Safari sur l'iPad, forçant les utilisateurs de cet appareil à acheter son application pour accéder à ses articles. Le MobiNote tentant d'accéder au site Internet. C'est bien parce que ça dit dans l'article, hein, j'utiliserai jamais ce mot-là moi-même. Le MobiNote tentant d'accéder au site Internet du New York Post via Safari, le navigateur d'Apple, tombait sur une page lundi, lui disant, et je cite, « Les contenus éditoriaux de NewYorkPost.com ne sont plus accessibles désormais sur l'iPad que via l'application du New York Post. » En revanche, les internautes voulant se connecter au site du New York Post via un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau n'avaient pas de problème. Pour l'instant, hein, parce que peut-être qu'ils vont sortir une application pour l'ordinateur aussi, on sait pas. Il en coûte combien? 2$ pour télécharger l'application du New York Post sur l'iPad qui offre un mois gratuit de consultation. Par la suite, l'abonnement à l'édition tablette du quotidien coûte 7$ par mois. Oh. Ça, New York Post, là, c'est Rupert Murdoch, c'est Fox News, c'est on met des murs partout pour que les gens payent et puis ça marche pas, mais c'est comme ça qu'ils essayent de faire leur argent, je sais pas. C'est ce que ça dit dans l'article d'ailleurs, donc je le lirai pas. Super. Et il nous reste une dernière petite nouvelle, Apple qui dépose un brevet pour désactiver l'appareil photo de l'iPhone. Étrange, n'est-ce pas? Un nouveau brevet qui indique qu'Apple est en train de mettre en place un système visant à protéger les artistes lors d'une représentation publique. Le brevet baptisé « Système et méthode pour la réception des données infrarouges avec une caméra conçue pour détecter des images basées sur la lumière visible », ça c'est le nom de, du brevet. Prend le contrôle de l'appareil photo de l'iPhone. Vous pouvez à l'heure d'ailleurs aller consulter le brevet sur le site assemblagerequis.com. Donc on demande dans l'article débranchez-vous qui n'a jamais pris de photo ou enregistré une chanson pendant un concert. Si cela est forcément tentant, la pratique n'est pas tout à fait légale et en violation directe des droits d'auteur. Le système d'Apple repose sur des émetteurs infrarouges dispersés dans la salle et reconnus automatiquement par l'iPhone lorsque l'utilisateur arrive. Le signal envoyé est configuré pour désactiver la caméra du téléphone, l'ensemble des autres fonctionnalités restant opérationnelles. Ce principe peut être aussi appliqué aux salles de cinéma, aux musées, on s'imagine à plein d'autres endroits comme ça. Bien sûr, Apple dépose de nombreux brevets et on ne sait pas si celui-là va voir le jour. OK, donc, t'as pas droit dans un show de musique, par exemple, de filmer avec ton iPod? Mm-hmm. Mais avec n'importe quel appareil photo, t'as droit. C'est ce que ça laisse présupposer. Peut-être que la technologie pourra avancer un jour pour que ça fonctionne sur tous les téléphones, je sais pas, mais ici on parle d'iPhone seulement et d'appareils, j'imagine que l'iPad et les autres appareils d'Apple, sûrement parce que c'est les plus... Les plus utilisés, Les plus utilisés. Je crois que les différents systèmes Android ont dépassé l'iPhone récemment, mais bon, peu importe. Nouvelle étrange, dans un musée, mettons, tu vas essayer de prendre une photo. Non, désolé, too bad, non? Ben en fait, souvent dans le musée, on n'a pas droit, donc ça fait pas tellement changement. C'est sûr, c'est sûr. Mais si le gardien n'est pas dans les parages, il y en a sûrement qui s'en fait. Tu fais pas ça, toi, Mathieu? Jamais de la vie. OK, rassure-moi. Ben non, c'est ça. Puis il n'y a personne non plus qui transporte de la drogue dans leur... Quand ils vont en voyage à quelque part. Ah. Ouais. C'était louche. Ouais. Ben... La radio, personne n'a vu le signe. Voilà pour la chronique Le Scoot des Internets. Simon, on sera de retour pour en faire une bien meilleure la semaine prochaine ici dans l'Assemblage Rue. Est-ce qu'on retourne au palmarès? Pourquoi pas? Parce qu'on va en pause. Non, c'est pas ça. Ah, OK. Non. On va aller écouter une pièce. Je suis, moi. On est rendu à la position numéro 11, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Jean-Philippe avec Embarque ma belle. N'est-ce pas? C'est vrai. N'est-ce pas? Embarque ma belle, et puis après ça, on ira du côté de la position numéro 10 pour entendre Philippe B et l'été. Mais pour l'instant, comme tu disais, Jean-Philippe, embarque ma belle. Ah oui, là. Ah oui, là. Pars le moteur. Pars le Segway. Non? Ça n'a pas l'air confortable, ben. Il y a eu tellement d'accidents avec ça. Come on, j'ai pas tout. Marie-Pierre, Mathieu, Croisière, Assemblage, Requis, c'est fou. Numéro 10. J'ai passé l'été, le cœur sur la corde à linge et la tête au congélateur. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil. Passé l'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grands. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil. À l'envers, une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers, une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. Ben, je venais en train d'écrire un message texte, puis tu savais que la chanson t'a terminé, hein? Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Ça, c'était Philippe B. avec une pièce qu'on appelle communément l'été et qui est en position numéro, je dirais approximativement comme ça, 10 francophones. Mais en même temps, ça fonctionne avec la journée d'aujourd'hui, tu sais. On est bon, la deuxième journée, troisième journée de l'été. Uh-huh. Bon. C'est vrai, c'est bien et fait de commencer. Et une belle température qui est... La chanson de Philippe B., l'ambiance qu'il y avait... C'était parfait pour aujourd'hui. C'était merveilleux. Même si nous, en croisière, tu sais, notre température est toujours belle. Hein? Ah, évidemment. On l'a pas du tout pour faire une ambiance. Disons qu'on on fait souvent référence au fait qu'il mouille. Non. Super. Maintenant, parlons un petit peu de littérature avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est sa chronique littéraire. Hey, tu m'as réservé une surprise aujourd'hui. Tu m'as dit que tu me disais pas d'avance c'était quoi. Là. Non, je te le dis pas parce que toi non plus, tu peux pas me dire ce que tu vas faire tantôt. Donc, une surprise! Et pour œil dent pour dent. Ah, voilà, voilà, voilà. Mais bon, si je te dis le titre, 121 cafards et un fusil, quel type de livre est-ce que tu crois que c'est? Un shooter. Le gars, il tire des non, non, non. Quelle sorte? Est-ce que c'est roman? Est-ce que c'est nouvelle? Est-ce que c'est... Un thriller. Est-ce que les insectes vont réussir à s'en sortir? Non? Un thriller, selon toi? Ouais. OK, mais plus précisément, roman, nouvelle, poésie? C'est un roman. Un roman. Un roman? Policier, thriller, d'action. OK, attention. 121 cafards et un fusil, c'est un recueil de poésie. OK. Oui, c'est surprenant à première Oui, c'est surprenant comme oui, titre de recueil. Donc, 121 cafards et un fusil, ça a été écrit par une certaine poète qui en est à son deuxième recueil, qui s'appelle Mélanie Grenier. Ça a été publié en 2006 aux éditions Les Herbes Rouges. Donc, facile à trouver en librairie, sans aucun problème, sinon commandé. C'est jamais bien difficile de les faire venir. Pour vous décrire un peu le recueil 121 cafards et un fusil, on peut relier ça un peu à du roman noir, un petit peu de... avec de l'humour, mais qui est un petit peu louche. Okay? Tantôt, je vais vous lire un extrait, vous allez tout comprendre. C'est un univers construit en soi. Donc, on embarque dans un univers qui est totalement étrange, dans lequel les personnages se font violence entre eux. C'est des estropiés, c'est la loi du plus fort, bon, qui est-ce qui gagne? Et c'est vraiment un monde totalement, totalement bizarre. J'ai rarement lu je pense que c'est le livre de poésie que j'ai lu le plus bizarre de toute ma vie. Et t'en as lu beaucoup? J'en ai lu plusieurs, ouais. Mmh. Mais c'est étrange dans l'étrange, là. Il faut pas être, quand on se met à lire ça, faut s'attendre à être déboussolé. Je vous dis ça comme okay. ça, ouais. Est-ce qu'on va réussir à dormir après? Oui, j'ai réussi, mais sans problème, mais c'est un univers en soi. Et, comme je vous ai dit tantôt, c'est évidemment des personnages estropiés, dont il manque des membres, sont dans un genre de monde dans lequel personne n'a assez de place pour vivre. Donc, c'est comme si des petits appartements, tout rabougris, comme une planète trop remplie, en fait, un village. Comme en Asie, mettons. Ben, en fait, non. On ne sait pas c'est où. Okay. C'est dans vraiment un monde inventé dans lequel le monde sont trop serrés. On va dire ça comme ça, tout simplement. Ça a l'air trop petit pour le nombre de personnes qu'il y a là. De là, la loi du plus fort. Donc, celui qui va avoir son espace. Donc, un recueil de poésie, de cruauté. Et de la manière qu'a l'auteur de décrire cet univers-là, les images nous viennent très facilement en tête. Et c'est ce qui est bien avec ce recueil-là. Donc, pourquoi vous avez proposé un recueil de poésie bizarre comme ça? On peut dire ça comme ça? Parce que je pense que ça touche un autre type de poésie que c'est rare qu'on lit. Donc, souvent, c'est des auteurs qui nous parlent, par exemple, d'un deuil ou des choses comme ça. C'est bien aussi, j'adore ça, j'adore les recueils comme ça, mais ça, c'est autre chose totalement. Donc, c'est à lire pour le monde glauque, pour les personnages. Il n'y a pas de personnage principal, c'est toutes sortes de personnages plus bizarres les uns que les autres. Et aussi, parce que c'est facile d'entrer dans cet univers-là, ça se lit super bien. Donc, je vais vous en lire deux petits extraits, OK? Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait une sorte d'humour à travers ça. Et le prochain passage va vous montrer un peu quel type d'humour. Tu ris, mais tu ris un peu drôle, tu sais. Tu ris jaune. Ouais, tu ris jaune, t'es déstabilisé. Oups, je me suis trompée de page, je suis désolée. Voilà. Ils ont amorcé la diffusion des sons corporels. Les haut-parleurs buglent les bandes enregistrées à l'intérieur des chambres. Pète, craquement, hoquet, toussotement, cris de désespoir soigneusement choisis. Fin de l'extrait. Mm-hmm. Et je vais vous en lire un autre qui est assez intéressant, qui montre un peu... Oups, mauvaise page encore. Est-ce que c'est un homme avec une grosse oreille à l'envers qu'on voit sur l'écran? Ben oui, l'image sur le dessus, sur la pochette, c'est vraiment une photo d'un homme un peu en contre-jour, donc fond blanc, silhouette d'un homme. Et il y a comme une image d'oreille, donc le lobe d'oreille, mais à l'envers sur la tête. Donc, le devant de l'oreille à l'arrière. Le devant de l'oreille à l'arrière. Donc, le prochain extrait montre un peu tout un peu l'univers d'estropier, la violence et tout ça. Pour savoir est-ce mort ou vif, il harponne les restants. Ce n'est pas que l'on s'ennuie. Ils organisent toutes sortes de divertissements. Suicide assisté, broderie sur visage, échange et revente d'organes superflus, combustion instantanée. Lorsqu'une troupe batifole des masses de travailleurs s'affaire en chaîne à la cave, leur tâche varie. Brouettage et mise à côté des cadavres, ramonage et récurage, appréciation des dégâts et falsification des preuves. Donc, c'est un peu un univers glauque, étrange, un peu dégoûtant. C'est à lire. Donc, 121 cafards et un fusil de Mélanie Grenier qu'on peut facilement trouver en librairie ou faire commander. Et c'est vraiment très, très mince. Là, ça a l'air vraiment très rapide à lire. Ah non, ça se lit très rapidement. Des marges de comme 3 pouces chaque barre. Hein, fait que non, c'est... Oui, mais c'est ça. C'est à environ 68 pages et c'est de la poésie en prose. Donc, c'est pas des vers un après l'autre. C'est vraiment un genre de petit texte suivi et ça se lit super bien. Parfait. Donc, je vous le propose pour les amateurs de romans noirs, etc. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et évidemment, le lien ou le titre va être sur la page Facebook Assemblage Requis. Évidemment. Et sur assemblagerequis.com. Voilà donc, on va retourner avec notre palmarès francophone. On est rendu à la position numéro 9. Tout à l'heure, il y aura Malajube, mais avant ça... Mais avant ça, ça va être Kid Sentiment avec nos insomnies. Et si tout va bien, on devrait parler avec Myriam tantôt avec sa chronique culturelle. Elle va nous parler de Mademoiselle Giraffe. On l'attend. Ça aussi, c'était intriguant. T'sais. Oui. Mais... c'est laquelle déjà, là? Nos insomnies. Ah bon, c'est fin ça. J'aime ça les albums qui écrivent pas les chiffres. Détail que j'aurais pu sauter, ça remplit du temps. Numéro 8. Jujube et Synesthésie en position numéro 8. Ça monte de deux places du côté francophone. Évidemment, tout l'été, on bascule d'un côté à l'autre à chaque semaine ici à Vie de Croisière, l'assemblage requis. Hein? Franco-anglo. C'est comme bacon ou bacon, l'annonce de. C'était quoi, McDo, ça? Ah, Caroline. Mais oui, non. Là, vas-y. Hey, salut! Hey! Ça fait penser, hein? Ben oui, ça me fait penser à la publicité. Ben moi, en fait, je pense que j'étais pas née à ce moment-là. J'ai une publicité de McDo, mais j'écoutais les enfants de la télé, puis il y avait une chanson, là. Puis là, il fait toute la toune, puis le petit monsieur, il était là, puis il l'avait toute refaite avec Antoine Bertrand. Bien impressionnant. Arrête-moi une ça. Une toune, c'est comme une liste immense de choses. Ça a des un milkshake au chocolat, là, ça arrêtait plus. Wow. Tu te disais, mon Dieu, c'était un sacré menu à ce moment-là. C'est pas ça. De McFlurry, un milkshake au chocolat. Pas de McFlurry. Non, dans ce temps-là, les milkshakes, c'est pas revenu il y a quelques années, ça. Les milkshakes, c'est chez McDo, il me semble. Il y avait des. Oui, il y avait des milkshakes. Ouais. Le 2 ans, je pense. Ah, c'est pas, ça n'a pas duré longtemps. la voix que vous entendez, ou ben pas là, mais juste avant moi, là, et pas, en tout cas, c'est la chronique culturelle de Myriam. La chronique culturelle avec Myriam. C'est la chronique culturelle avec Myriam. J'avais dit deux Myriam. Donc, Myriam Fugère qui est avec nous pour une deuxième semaine de suite dans son nouveau rôle de collaboratrice particulièrement particulière. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour un compliment. Ah, c'en est un. Je suis unique. C'était pas recherché, mais oui, t'es unique et spécial et tout, là. Oh, si non? Je m'attendais à ça en venant ici aujourd'hui. C'était presque touchant, hein? C'est sincère. Oui, c'était beau. Tu as un Kleenex. Non, ça va, merci. J'ai un journal. Mais bon, en fait, je vais commencer ça avec les mardis du Gambrinus. Ouais. Et la semaine prochaine, en fait, on a Argo qui sera là. Argo qui est un groupe que je connais pas. J'ai fait de la recherche sur Internet. J'ai des groupes irlandais. Tu sais, j'ai des groupes. J'ai tout sauf Argo qui vient d'ici au Donc, Québec. Donc, t'es en train de dire que c'est un nom de groupe qui est pas original. Non, voilà, c'est pas super original comme nom de groupe, mais peut-être que leur musique l'est, elle. Impossible de l'écouter sur Internet, en tout cas, à ma connaissance, selon mes recherches. Donc, semblerait-il que c'est un folk pop. Donc, il me semble que ce serait mon folk genre de pop, musique. Folk pop, hein? C'est... Un folk pop. C'est intéressant comme... C'est comme combinaison, hein? Ouais, exactement. Je sais pas à quel niveau on peut ajouter un peu de pop dans le folk. C'est ça. Est-ce que c'est du 70-30 ou du 60-40? On sort en spectacle. Est-ce que tu parles de crème solaire, si? Oui, c'est ça. FPS 32. Donc, c'est 5$ et ça se passe le mardi, donc le 28 juin prochain, à 21h. Ensuite de ça, on poursuit avec le Nord-Ouest Café qui nous présente à tous les mercredis, 21h, les mercredis urbains. Ça se passe en fait au deuxième étage. Donc, pour les fans de hip-hop, électro, reggae, il y a des DJ invités qui sont là. Et puis, il y a des spéciaux aussi sur la boisson et tout ça. Donc, c'est le moment de faire la fête en plein milieu de la semaine. Hein? C'est un bon endroit. On se voit pas. Attends, c'est le petit voilà. J'ai un micro de notre bateau. Moi. Dans ce bateau-là, on a fait mettre ben trop de micros. Il y a de la houle, des micros. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de beuverie prévue pour la Saint-Jean, je ne sais pas si vous avez des projets. Non. Parce que souvent, la Saint-Jean, c'est ça. C'est une espèce de grosse beuverie. Là. Uh-huh. On festoie le fait qu'on est des Soulons. Et puis, en fait, il y a, paraît-il, un gros party pour la Saint-Jean qui est organisé justement au Nord-Ouest. Donc, vendredi, alors demain, le 24, dès 20h, il y a un chansonnier qui est Alain Casey qui assure l'ambiance musicale. Puis ça va être une soirée là, vraiment... ça va être une soirée là, vraiment la musique québécoise. Puis on va y aller là-dedans. Donc, je pense que ceux qui sont errants, là, vous devriez vous y rendre. Donc, pourquoi pas t'y rendre, toi? Parce que ça semblait pas avoir de... Air jusqu'au Nord-Ouest. Ben oui. Sans ta boussole. C'est mon genre. Mon GPS. Ah, sorti mon iPhone. Oh, et que t'es technique. Ben, tu dis. Ben oui. Technique. T'es technique. C'était pas ça que je voulais dire. Technologique. Ben ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis très, très technique. En fait, je connais la réanimation cardiaque. Et tout. Très technique. Enfin, ensuite de ça, bon, c'est une activité très cool que j'ai découvert qui débute pas si bientôt que ça. Là. Ça débute le 7 juillet. Ça arrive bientôt. On est quand même le 23. Ça arrive vite, là, mais c'est pas la semaine prochaine. Souvent, j'essaie de vous en parler pour la semaine prochaine. Mais c'est aux musiques québécoises de culture populaire. C'est après nous avoir invités dans l'univers carcéral avec l'activité en prison. La prison de Trois-Rivières nous glisse, dans le fond, dans la peau d'un membre du jury dans un procès qui est cause criminelle, en fait, dans laquelle un père était accusé d'avoir tué sa fille. Puis là, ça se passe au début du 20e siècle. Donc, est-ce que c'est un fait réel ou c'est... Je pense que oui. Là, okay. En tout cas, selon ce qu'ils décrivaient sur le site, oui, c'était un fait réel. Même si c'est basé sur des faits qui sont pas réels, on s'entend que quelqu'un l'a fait à un moment donné à quelque part. Ben oui, c'est sûr que c'est déjà. Ouais, non, mais ça aurait pas été basé sur un fait réel en du Québec. Avec les noms. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est un crime qui a été commis. Ah, ben en fait, non, c'est ça. C'est un crime qui a été commis à Trois-Rivières, au 27. Ah. Excusez-moi, j'avais encore des notes écrites, je les ai plus trop vite. Donc, c'est ça, au début du 20e siècle. Donc, étant donné que ça fait très longtemps, mais les installations doivent être vraiment intéressantes, parce que j'imagine qu'on recrée le tribunal et tout ça. Donc, le visiteur doit se prononcer vraiment sur la culpabilité de l'accusé dans l'affaire La Montagne, qu'on l'appelle. Et puis, c'est là que le jugement va être mis à rude épreuve, le sens de l'éthique aussi qui va être important. C'est parce que j'imagine qu'il y a des trucs un peu pointus puis que ça n'a pas été facile, le jugement des gens en partant de cette cause-là. Oui. Donc, c'est 25$ par personne. C'est un petit peu cher, sauf que c'est une activité qui est interactive. Mmh. Puis, tu sais, c'est pas juste regarder un tableau dans un musée. C'est vraiment, tu participes et tout ça. Donc, c'est sur réservation seulement. Et ça se passe du 7 juillet au 3 septembre. Donc, vous avez tout l'été pour vous y rendre. Ça a l'air vraiment le fun. Ben oui, ouais, ça a l'air. Ça fait penser un peu Nouveau Détective à Canal D ou Exactement. Mais là, on est vraiment là. Un livre dont vous êtes le héros presque, là. Parce que tu décides un peu de comment ça va terminer. C'est sûr que tu dois avoir un groupe. Ouais. Ce qui doit être un peu gênant, c'est qu'il y a des gens que tu connais pas aussi. Il faut que tu te confrontes aux opinions des autres. Si t'es le seul à être de l'avis contraire de tout le monde, il faut que tu défendes ton point. Hein. Non coupable, non coupable. Je suis sûr que c'est pas lui qui l'a fait. Oui, exactement. Ensuite de ça, bien, au Théâtre des Marguerites. Moi, je suis abonnée là, au Théâtre des Marguerites et puis j'adore ça. À chaque année, il y a des pièces. C'est sûr, il faut aimer le théâtre d'été. Mais à chaque année, il y a des pièces qui sont intéressantes, qui sont drôles. C'est pas juste du gros claquage de porte. C'est ça, c'est léger un peu. Les gens parlent contre le théâtre d'été comme si c'était la pire affaire du monde. Oui, mais c'est léger. C'est comme un peu aller voir un spectacle d'humour, finalement. Oui, ou c'est comme regarder une sitcom, des fois. Voilà. Des fois. T'sais, on aimait bien Histoire de filles, Caméra Café et tout ça. Ben, ça me fait penser un peu à du théâtre d'été, ça, puis Kilométreur aussi, ce genre d'émission. Genre un seul plateau, tu sais, pas trop de variations dans les pièces où tu te retrouves, puis exactement. Donc, ça, c'était Trois-Rivières. Oui, c'est ça. C'est sur. En fait, une continuité du boulevard Jean 23, le chemin Sainte-Marguerite, il me semble que ça s'appelle. Terre des Marguerites, qui est gérée par Stéphane Bellavance, qu'on voit beaucoup. On le voit, il y a Vrac une émission. Oui, exactement. On le voit beaucoup à Vrac TV. On le voit à V aussi, je crois, ou à Télé-Québec. Enfin, bref, je suis pas certaine de mon affaire, mais on le voit beaucoup. Puis lui, il a voulu s'investir là-dedans. Il fait de la mise en scène. Puis il a racheté le Théâtre des Marguerites alors qu'il fonctionnait plus très bien. Puis il y a vraiment des bonnes pièces depuis ce moment-là, depuis ce temps-là, puis tout ça. Donc là, on a la pièce qui est présenté du 25 juin au 3 septembre, qui s'appelle Hockey Town. En fait, c'est un gros plan sur la vie quotidienne de quatre commentateurs sportifs, en fait, qui sont incarnés par Denis Houle, Blaise Tardif, Louis-Olivier Moffette et Jean-Marc Dalphon. Louis-Olivier Moffette, si je me trompe pas, c'est un des comédiens maison de Dieu merci. Et ça puis, bon. Ben, c'est une mise en scène de Jean-Claude Legault qui voulait, en fait, justement, essayer d'enlever l'espèce de claquage de porte. Lui, fait un théâtre un peu plus réaliste. Il s'arrange pour que ce soit comique, mais pas trop extravagant, pas trop farfelu non plus. Et puis, ce qu'il espère aussi, c'est que ça va... que ça va pousser les hommes à traîner leurs femmes au théâtre, alors que normalement c'est le contraire, parce que là, ça parle de hockey tout ça. Donc oh, viens, on va aller au théâtre, alors que normalement ce serait plutôt on va-tu au théâtre? Les gars sont un peu moins portés au théâtre, je crois. Ouais, le théâtre, comme c'est un marmanade. Ouais, exactement. Ou des mots déplacés. Des mots qu'on répétera pas aujourd'hui. Donc, pour terminer, ensuite de ça, bien, il y a l'embuscade. Est-ce que vous connaissez le style musical Ragamuffin? Ragamuffin. Ouais. C'est un nom... quand j'ai lu ça, je me dis, c'est une farce. C'est sûr que c'est une farce. On dirait. Mais non, en fait, c'est un style musical qui nous vient du groupe Mademoiselle Giraffe. Donc, il y a juste eux qui font ce style de musique-là. Ben, d'après moi, ben, ça doit pas être juste eux. Simplement, le fait que je vous en parle, ça vient de ah, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Donc, eux, ils ont été nommés meilleur album musique du monde à la disque en 2010. Et puis, ils sont de Montréal. C'est deux gars, puis ça a l'air d'être de drôles d'oiseaux. Honnêtement, là, quand on lit toute la description là, sur MySpace de leur style musical, de d'où vient Mademoiselle Giraffe, le nom Mademoiselle Giraffe, le style du groupe, tu te dis, mon Dieu, il en fume du bon, eux autres. Mais, mais c'est quand même cool comme musique. C'est spécial un peu. Puis ça nous sort de nos... tu sais, c'est un mélange de reggae, de hip-hop. Ça nous sort un peu de notre zone de confort. Puis je pense que le spectacle qu'ils donnent le 30 juin à l'Embuscade va nous les faire, bon, découvrir, bien sûr, mais aussi... je pense que ça va mettre une ambiance différente. C'est sûr que le reggae, c'est une ambiance un peu plus estivale. En le disant, je me dandine mais sur du reggae. Mais t'as appelé ça comment, du reggae? Du ragamuffin. Ragamuffin. Je sais pas où ils sont allés chercher ça. Mais bref, la chanson que je vais vous présenter, c'est « Peigner la girafe ». Et puis, selon eux, ça veut dire « ne rien faire, perdre son temps ». C'est la description qu'il donne à peigner la girafe. Ça pourrait devenir populaire comme expression. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Moi, qu'est-ce que tu fais après-midi? Ben moi, je peigne la girafe, là. Fatigué. Des fois, il faut en partir d'une même. Tu sais, comme moi, j'ai parti, tu sais, après se dire, t'achèves-tu? Tu sais, moi, j'ai dit, t'as faux, tu t'achètes. Bon. Donc, peigner la girafe de Mademoiselle Girafe tout de suite dans la vie de croisière d'Assemblage requis sur C'est fou, hein? Ça va commencer par... Suite, ben, pendant ce temps-là, je vais vous dire d'où ça vient le mot girafe, là, de la manière que c'est écrit. C'est arabe zarafa, c'est des fainéants créatifs. Oh. Donc, on va entendre leur création. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Parfois, peigner la girafe, c'est loin d'être malsain. Hey! Non, je veux pas faire ma destinée, j'ai tendance à procrastiner. Je me le fais souvent reprocher, le monde est tout le temps prêt sauf moi. Ok, demain je me lève plus tôt, je vais avec ma blonde chez le gynéco. Compter mes factures pour l'impôt. Prochaine paye, j'règle le bill d'hydro. La dernière fois, je m'en souviens, j'ai repoussé tout d'une année. Parce que je le sentais pas bien de travailler pour rien. Envie de faire le malin. Inacceptable. Sont allés peigner la girafe ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. J'aime ça quand ça fait ça. Oh non, là, c'était super endiablé dans le studio. Je vais la chanter. Mais ouais. On va la repartir, on va la remettre où elle était. Peigner la girafe, c'était être chill, être tanné. Ouais, peigner la girafe, en fait, c'est ne rien faire et perdre son temps. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Ne rien faire. Ils ont arrêté de chanter. Deuxième chance, on espère que c'est la bonne. Que celui qui n'a jamais atermoyé se lève et me lance la première pierre. Car c'est dans la nature de l'être humain d'apprécier rester assis sur son derrière. Je l'avoue, je l'accepte et même que j'en suis fier. Je sais que je me répète, vous commencez à le savoir. Je m'en fais pas avec ça parce que de toute manière, comme Bouddha, je vibre avec l'univers. Ça m'arrive bien trop souvent de m'enfarger dans les lignes du tapis. Commencer mes journées par un 3 heures de plus au lit. Perdre mon temps à m'occuper de trucs qui passent pas aujourd'hui. Faire des gens des yachts de panoplie. Des façons pour étirer le temps à l'infini. Je peux pas toujours être proactif pour relaxer aussi. Ça va prendre une pause, qu'elle a choisi lentement, mais sûrement, moi ça j'ai tout compris. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Parfois, peigner la girafe, c'est loin d'être malsain. Quand la farniente m'envahit, pas question de faire la fourmi. Non, y'aura pas de compromis, j'dépense pas d'énergie. Pour tout un système maudit qui ne nous laisse pas de répit, ma nouvelle idéologie ne rien faire m'enrichit. Même au moment de ma naissance, pas près si je me faisais attendre. Y'a fallu qu'ils viennent me chercher, c'est par césarienne que je suis né. Lukowski pis Lebowski m'ont tout appris. Ça sert à rien de courir, je carbure à l'ambroisie. Je branle dans le manche et pis j'avance comme la Zamboni. J'aime mieux prendre ça relax, ouais je me fais pas de soucis. C'est pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Parfois, peigner la girafe, c'est loin d'être malsain. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Parfois, peigner la Une chose qu'on s'est rendu à la fin. Il restait comme 20 secondes. Tu ne pouvais pas juste finir ta chanson, tu sais. Come on, là. Hein, ça fait la procrastination. N'importe quoi. Son nom est paresseux, les dragués. Ouais, exact. Blague. Mademoiselle Girafe, qu'on vient d'entendre avec Penny la Girafe. C'est ça? Penny. Oui, exactement. Ouais, pas Penny la Girafe. Là. Non, non, Penny la Girafe. Pas payer la Girafe. Ça, c'est Penny la Girafe, ça te prend vraiment. Ça te prend une échelle. Un escabeau. Ben oui, c'est sûr. Mais oui, tout à fait. Ça a un long coup. Elle peut se descendre aussi, là. Elle peut bouger son cou. C'est pas comme s'il fallait absolument qu'il soit droit. Ils sont bien fainéantes. T'as le mot, t'as le dernier mot surtout, toi. C'est petit canne. Dans ta cabane. toujours dans la chronique culturelle de notre amie Myriam Fugère, petite intro comme ça. Ah wow! La chronique culturelle avec Myriam. Même ton intro, elle a l'air paresseuse. Non. Ouais, moi, je suis une lazy culturelle. Ben ouais. Hey, c'est la journée de la procrastination récemment, cette semaine, je crois. Journée internationale de la procrastination. J'ai manqué ça d'avoir su, je l'aurais remis au lendemain. Ben oui, mais c'est ça. T'es la première à faire cette blague-là. C'est sûr que oui. Ouais. Moi, j'ai l'air en tout cas. Donc, est-ce que t'avais un autre sujet à nous discuter? Tu me disais, j'ai peut-être un autre sujet, t'étais pas sûr? Ben non, en fait, des fois. Là, c'est parce que j'ai rien vu de particulièrement intéressant. Mais en fait, il y aurait peut-être quelque chose que. Non, mais. Ben, c'est parce que j'ai fait un achat. Je vais vous parler de mon achat vraiment bon, nice. Tranche de parce que je suis bien fière. Parce que là, je me suis acheté un cahier. Oui. Puis là, mon cahier, en fait, quand t'en achètes un, ça en donne un à un enfant dans le besoin. OK. Pis je trouvais que c'était intéressant d'en discuter parce que moi, je me demandais, est-ce que vous croyez que ça se fait vraiment? Hein? Ou c'est du est-ce que vous pensez que c'est du marketing? Peut-être. Parce que si c'est du marketing, c'est bas comme marketing. Oui, exactement. Parce que tu prends les gens vraiment par les sentiments parce que tu te dis, ben, ils veulent l'acheter. C'est comme quand c'est écrit biologique. Des fois, c'est pas vraiment biologique, mais on l'achète parce que c'est écrit biologique dessus. Tout à fait. Mais il n'y a pas quelqu'un derrière les produits biologiques, il n'y a pas un, je sais pas, c'est un bureau, quelque chose qui s'assure de la biologicité de ça? Alors que pour les cahiers, là, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas de corps derrière ça, de grosses, ben c'est ça, de gros panels. Je me demande, tu sais, parce que, pas de farce, là, on nous met un enfant là, dans le besoin avec un sourire. Là, ah, OK, là, ça fait comme à la télé avec Vision Mondiale, ça fait très exactement. Rare. Là, ça fait très Vision Mondiale, puis on nous dit que la colle et l'encre sont d'origine végétale, que c'est biodégradable, que c'est 100% recyclé, qu'on en donne à un enfant dans le besoin. Je me suis sentie interpellée, j'ai voulu aider, je l'ai acheté, mais maintenant, j'ai un doute. Ah, t'es pas allé te renseigner sur la compagnie? Peut-être qu'ils ont une renommée internationale. Ben, je vais le faire. Mais en même temps, sinon, il faut douter sur à peu près n'importe quoi, tu sais. Ouais. Tu sais, on dit, OK, ben quand il y avait eu le tremblement de terre en Haïti, OK, on ramasse des fonds, mais on sait jamais, tu sais, il n'y a jamais est-ce moyen de savoir si tout se rend. Même chose pour n'importe quel autre relevé de fonds. Levé de fonds. Oui. Je sais comme, non, ça marche pas ce coup-là. C'est un peu ça pour n'importe quoi. Je pense qu'il faut juste faire confiance à un moment donné puis dire. Faut se laisser aller parce que dans le fond. Ce que je pense, c'est que après ça, ça nous appartient pas. Tu fais ta bonne action, puis après ça, ben c'est pas toi la personne malhonnête, mettons, qui va pas le. T'as fait ce qu'il fallait. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait selon mon cœur. T'es une bonne personne, Myriam. Ouais. Moi, je le dis en tout cas. Bravo. Êtes-vous allé voir le vidéo que j'ai posté sur Assemblage Rookie sur la page Facebook? Peut-être, c'était quoi? C'est une vidéo d'exemple du slackline. Moi, je suis allée le voir. Oui, c'est ça, la slackline. Oui, il nous explique. Donc, la corde attachée entre les deux arbres sur laquelle la ligne molle. Mais tu avais dit que le gars, il était excellent, mais on dirait qu'il faisait pas grand-chose. On dirait que j'ai avancé la vidéo. Ouais, mais quand est-ce qu'il va faire quelque chose? Oui, mais c'est sûr que là, il faisait pas de. C'est parce que, mettons, il faudrait que t'en fasses pour voir à quel point il était excellent. Parce que, oui, il faisait pas beaucoup de prises ou d'espèces de figures spéciales. Mais la façon dont il se tient en équilibre, c'est ça qui est impressionnant. Parce que, moi, mettons, je bougeais les bras sur les côtés vraiment rapidement là, pour essayer de me stabiliser. Alors que lui, il se lève juste la patte puis il est stable. Donc, on se rappelle. Oui, c'est vrai, il y avait juste une jambe sur la corde et une autre dans les arbres. Oui, c'est vrai. C'est une corde accrochée après des arbres à quelques. Ouais. De hauteur du c'est sol. Ça. Mais en fait, lui, ben tu sais, dans la vidéo que j'ai postée, j'étais vraiment contente de trouver cette vidéo-là, dans le fond, parce que il t'explique vraiment bon comment poser la corde, comment t'arranger pour que ce soit stable. Donc, en tout cas, je voulais revenir là-dessus. Ouais. Parce que ça prend un peu de temps que je le mette sur la page. Faute de temps et, oui, il y a l'oubli aussi qui est venu en ligne de compte. De toute façon, au nombre de reprises qu'on a, ça va bien affecter quelqu'un quand même. Même si tu passes trois jours en retard, t'es quand même avant la dernière reprise. Ah, ben oui, voilà. On est le samedi et le lundi, en plus du jeudi. Ah, tabarouette, la reprise en masse. Ça a bien de l'allure. Non, j'aime ça ton vidéo sur facebook.com. Allez chercher Assemblage requis pour voir ça. Jetez un œil. Et puis la semaine prochaine, je vais essayer de vous revenir avec un autre, peut-être une autre activité, une idée ou un petit machin. Le fun. Un petit machin le fun. Je me mets à la recherche de ça. On t'attend. Est-ce que tu portes des boucles d'oreilles en tout cas de Fruit Loops, hein? Ouais, exactement. Je viens de voir ça. Ils sont vraiment très chouettes. Hein? Oui, hein? Ben, ouais. Chouette. J'ai eu un compliment c'est pas des aujourd'hui. C'est des toucans. Je me suis acheté des chouettes la même journée en plus. L'animal? Ouais. Mais pas une vraie, des oreilles en chouette. Mais non, j'ai eu des compliments aujourd'hui. Pour vous les décrire, ils sont vertes pommes avec un peu de rose rouge dessus. Puis c'est un petit oiseau en bois. Est-ce qu'il parle? Oui. C'est con. Voilà. Il a l'air vieux, en fait. Okay. Il est mal à gorge. Grosse journée. Drogue aussi. Bon. Merci beaucoup, Myriam. À la semaine prochaine avec ta chronique culturelle. Oui. Toujours très divertissant. Spécial aussi. Ben unique. Oui, voilà. On a dit unique. Hein? Unique. Ben oui. Unique. Tu restes avec nous? Oui, je reste avec vous. D'accord. On va tourner avec notre palmarès francophone, n'est-ce pas, Marie-Pierre? N'est-ce pas, Mathieu? Mm-hmm. On va l'entendre tout à l'heure du Peter Peter avec Réfractaire, l'ancien numéro 1. Mais tout de suite, on va l'entendre le Globe avec 77. Oh. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? On s'en met toujours à 77. Et tout le monde est un esthète. L'apocalypse devient une fête. que je m'embrasse aux étoiles et j'embrasse celle, bien que superficielle, elle me permet encore de rajeunir. Heureusement, mon cœur bat de façon solennelle. Peter avec Réfractaire, ancien numéro, maintenant sixième francophone. Tu jouais dans Ursule Pop avec Nicolas Ciccone. Ouais, entre autres. Mario Pelcha aussi. Ah, j'ai pleuré dans la pluie. Ah, ben, hey, on l'a chanté tantôt. C'est pas ça, s'acheter les pleurs? Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même chose. Ça ressemble un peu. Ben ouais, non, j'étais dans Ursule Pop, puis on jouait avec des artistes. Ils ont joué avec beaucoup de gens, avec Nanette Workman d'ailleurs, Richard Seguin aussi. Mais ça fait plus longtemps, là, par exemple. Là. Bruno Petit aussi. Non, pas Bruno Petit. Martin Deschamps. Oh! Avec que des hits, hein? Que des hits. C'est le fun, ça fait c'est des belles expériences. Okay. Puis Ursule Pop, c'est comme Chavigny Pop. Là, pop, là t'essaies de me faire dire que c'est plus hot Ursule Pop. Ouais. J'essaie, ça marche pas? Non, okay. Je le dirai pas. Bon. Tu le penses, par contre? Ouais, mais bon. Je le dirai pas. T'as le droit, c'est correct. On était à quelques temps encore, j'ai pas décidé si c'était à quelques minutes ou à quelques dizaines de minutes de la chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça s'en vient tantôt. Vous allez être là pour... Tu vas être là, tantôt? Ben oui, j'ai hâte. C'est ça, ta chronique surprise. Oui, c'est ça, je me souviens tantôt. Oh. Elle, vous avez pas vu ma face, là, vous, à la maison, ou peu importe où vous êtes, là, en ce moment, pendant que vous nous écoutez, là, mais j'étais vraiment surprise et j'ai très hâte d'entendre ça, cette chronique-là. Ouais. Répète donc le nom de la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ouais, j'aimerais ça, moi. J'ai hâte. Ben, laissez leur faire une bonne, d'abord. Ça met un petit peu de pression. Ouais, t'es mieux d'être bon. Elle était capable. Ouais. Bien excité, là. T'es mieux d'être bon. Youpidou. on va retourner, par contre, écouter la prochaine position du palmarès francophone. Plus tard, il y aura Galaxy, mais avant ça. Mais avant ça, Tractor Jack avec Paris Roberval. Yeah. Tractor Jack. Oh, Tractor Jack. Francophonie, ça, t'aimes ça, ça? C'est bon. Vous êtes à la vie de croisière à la Sondage Rocky. Sur C'est Fou, 89 FM. Depuis deux jours, ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ma bouche goûte encore le vin que j'ai bu en Italie. J'ai cassé la gueule à un Américain devant la fontaine de Trévi. Le contrôleur me surveille, l'air un peu surpris. Il semble bien armé, il est fier dans son habit. Ce doit être sa mère qui fait ses pantalons. On arrive à Paris. Pour impressionner les gens.

Galaxy avec Shanghai, ça te donne une ambiance que j'adore. C'était la position numéro 4 du palmarès francophone. Ça monte de 4 places, 4e semaine de présence. Je sens un thème ici, le chiffre 4. Et en 5e position, c'était Tractor Jack avec Paris-Robertval. T'aimes ça dire Tractor Jack? Hein? Tractor Jack. Tractor Jack, ça Tractor. C'est John Deere. John Deere. Kiwan, quoi, avec qui on va parler tantôt par téléphone. Kiwan aime les affaires de John Deere. Par ironie, c'est très hipster. Mais casquette, John Deere. OK, OK. Je me demandais que genre, parce que ça doit coûter cher comme hobby s'il s'achète un tracteur à chaque fois qu'il y a une rage de John Deere. Ça prend de la place dans un appartement aussi. Exactement. Ouais. Ça y prend un gros locker. Ouais. Hein? C'est pas pratique. Non. Non. Pas pratique du tout. Kiwan n'est pas pratique en général. On y en parlera tantôt. Pour l'instant, on prend une pause et après ça, c'est la chronique que vous attendez tous et que j'ai donc hâte de faire. Pression. Mais oui, moi j'ai hâte aussi. Ouais. Bon. Bon. J'ai hâte de voir ce qu'on a et ce qu'on devrait pas avoir. Ah, tu verras bien. Bien hâte. Ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at 89. Working with the recovery forces to see what can be done at this point. Tout l'été, Marie-Pierre et Mathieu vous montent un bateau. Vous écoutez la vie de croisière d'Assemblage Requis. Toujours la vie de croisière d'Assemblage Requis, que, comme l'annonceur vient de le dire, c'est comme un niveau qui ressemble à la mienne un peu, je trouve, l'annonceur. Mais bon, C'est vrai, hein? Moi aussi, j'avais remarqué ça, vous avez le même grain de voix. Pareil, hein? Mm. Même voix de fatigant. Hein? Mais fatigant, pour être fatigant, mais ça. Et Colin, tu dis. maintenant, c'est le moment tant attendu que tout le monde attendait tant que ça. Là. ouais, tu me fais des roulements de tambour, c'est ça? Ah! J'étais pas sûr. C'est la chronique, et là, j'ai pas de thème pour, donc ça va être un thème approximatif, n'importe quoi. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est le nom de la chronique. OK, vas-y. Donc, la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Qu'est-ce que c'est? C'est une chronique de choses qui ne devraient peut-être pas exister nécessairement. Des inventions qui viennent pallier des problèmes de la vie que certains ont, mais dans le fond, qui sont vraiment pas si importants que ça. Hein. Vraiment pas. Par exemple, la meilleure façon de la comprendre, c'est de juste en parler. Ben oui. Commençons avec c'est comme une espèce de couteau. Mettons, tu sais, t'as de la salade à couper, OK? T'as de la salade à couper, une tête de salade, et là, tu trouves donc pas ça viril avec un couteau, tu sais, t'es comme là, quick. Non. À la place, c'est un couteau en forme de main de karaté. Avec un couteau au bout, fait que là, pour ta salade. Ça fait winner, hein? Non, mais j'aimerais ça d'avoir. Ça coûte 12$ via NotCut, et c'est beau, c'est un genre de petit verre là, fluorescent, et c'est vraiment, tu vois la main avec les doigts et le petit couteau en bas, c'est super. Bon. Deuxième exemple, tu manges du maïs et ça non plus, tu trouves pas ça assez viril. Toi, t'aimes la science-fiction, t'es nerd un peu, t'as besoin de quelque chose d'un petit peu du punch. Là. C'est un genre de sabre laser, la poignée d'un sabre laser avec un bout. Et là, tu peux mettre ton maïs dedans. Puis là, fioum. Jouer avec, c'est le fun. Hein? Un petit sabre laser. Voilà. C'est bien mieux que les petits blédins en pic que tu mets. C'est cheap, ça, c'est cheesy. Non, j'aime pas ça. Et il y a même une vidéo de comment ça fonctionne hein, pour se battre avec. Ça, on sait pas encore le prix, mais c'est via GAS Gas. Évidemment, les liens sont sur assemblagerequis.com, j'aime vraiment ça. Et même que le gars, il a fait une barre d'annonce et le logo, c'est 21st Century Forks au lieu de Fox, mais tu sais, Forks, c'est comme une fourchette. C'est juste le bon moment pour acheter ça. La saison des blé d'Inde arrive bientôt. Et voilà. Hey. Et voilà. Et Star Wars, c'est bon à tous les moments de l'année. ensuite, t'es dans ta chambre à coucher et tu trouves que ça fait pas assez jeux vidéo. T'aimes ça les jeux vidéo, ça, non? Fait que tu remplaces tes boutons par des boutons d'arcade. Boutons d'arcade pour allumer puis éteindre la lumière. Boutons d'arcade, c'est des gros ronds en plastique. Aïe, aïe. Faut vraiment être geek. Ouais. $30 selon Technobar. $30 en plus. C'est un peu cher. Hein. Faut être geek et avoir de l'argent dépensé. Exactement. Je sais pas si ça pourrait marcher avec un dimmer. Ça. Baisse un petit peu. Dim. Alors remonte. Dim. Alors baisse. Dim. Changez votre iPhone en Air Guitar. Ah, ça m'intéresse. C'est une très, très bonne idée. Un nouveau projet de Kickstarter. C'est le Air Guitar Move, une combinaison application pour iPhone et hardware, donc matériel. C'est un pic de guitare qui sent le mouvement. Dans le fond, il y a un fil après ça qui se branche dans ton iPhone. Et là, ça ressent les mouvements. Ça sait où c'est par rapport À ton corps. À, ben, je sais pas si c'est par rapport à ton corps ou au moins le point de départ où tu l'as mis au départ. J'imagine qu'il peut pas vraiment sentir où il est par rapport au iPhone. Bref, Ronald Manack et Colin Carpfinger qui nous ont déjà amené d'autres produits pour l'iPhone, mais celui-là est leur plus récent. Ils veulent ramasser 25 000 $ pendant les prochains 25 jours pour réussir à faire le produit. Donc, il y a un mode free play qui permet aux Rockstar de faire là, ce qu'ils ont à faire, tu sais, avec leur iPhone. Et le matériel Air Guitar Move vient avec un logiciel qui ressemble un petit peu à Guitar Hero. Donc, on aime ça. Pas encore de prix, évidemment, c'est un concept. Donc, on attend plus de détails plus tard. J'aime ça quand même. Mais moins cher que ça, il y a la vraie Air Guitar. Tu sais, la Air Guitar. Air. T'achètes, ça coûte 0$. Avec rien, là, tu sais. Tu peux la décorer comme tu veux. Uh-huh. C'est génial, ça. Je savais pas que ça existait déjà. Super pratique. Je l'ai lancé le produit. Je vendrais ça sur eBay. Ouais, ouais. L'image, c'est quoi? C'est rien. C'est, voilà. C'est un néant. Néant. Mais les gens peuvent bider dessus. Je suis sûr qu'ils vont bider. Brevet, Mathieu. Je suis sûr que oui. Je sais pas si tu peux breveter ça. Hey, on pourrait, est-ce qu'on pourrait breveter l'air qu'on respire tous aussi? Mais moi, il y a de mes amis qui ont déjà mis des trucs improbables en vente sur Kijiji. J'ai tellement ri quand ils me contaient ça. Mettons, je sais pas moi, un grain de beauté. ils ont tiré ça à le vendre. Ben non, mais ça a attiré des commentaires. Là. Mais c'est vraiment très drôle. Vous essayerez ça. Des trucs improbables, une soirée là, arrosée, là, ça doit être drôle. Ça de même. Ouais. Voilà. Prochain produit dans la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Si vous êtes une des personnes qui aime pas le fait que l'iPhone n'a pas de carte, de lecteur de carte SD, tu sais. Donc, c'est un gadget que tu branches par le port de l'iPhone et il sort de là une clé USB. Donc, tu peux brancher ta clé USB dans ton ordinateur ou encore brancher après la clé. Oui. La prise USB, après ça, tu branches un lecteur de carte. Peut-être, je sais pas trop quoi. Puis évidemment, tu as besoin d'une valise là, c'est pour traîner tout ton stock. Exactement. Là, tu peux vraiment t'acheter une valise avec plusieurs compartiments, puis vraiment mettre ça en ordre, puis là, à la place de juste t'acheter une clé USB. Puis tu sais, il essaie de faire le iPhone le plus mince possible. C'est ça. Voilà. C'est à peu près de la même épaisseur d'ailleurs que l'iPhone, et à peu près la moitié aussi long. Donc, c'est vraiment une belle affaire. 32 gigs. Vous pouvez d'ailleurs... est-ce que ça aide bien? Parce qu'il faut quand même dire des fois que les choses ont des avantages. Ouais, ben oui. Tu peux transférer tes contacts du iPhone à ton PC, alors que d'habitude, l'iPhone, c'est pas mal restreint à iTunes. Puis bon. Donc, c'est quand même pas si pire. Ça va entre... ça va être disponible au mois de juillet. En 8, 16 et 32 gigs, entre 99$ et 192. C'est cher quand même. Pour faire de votre iPhone une clé USB. Ouais, en ayant ajouté plein de machins après. C'est ça. Parce que vraiment, pour avoir un lecteur de carte, vu que c'est une prise USB, c'est quoi? C'est mâle qui va dans le trou, je pense, que si on se fie à l'anatomie. Ouais. Donc, ça voudrait dire que pour avoir un lecteur de carte, il faut que tu branches ça dans un fil qui vient rallonger et comme un adaptateur femelle à femelle. Et puis ensuite, tu brancherais ton lecteur de carte qui serait mâle là-dedans. Mais c'est parce que, Amanda, est-ce que c'est juste l'espèce d'adaptateur qui vient avec ça ou t'as comme tout le fil? C'est juste l'adaptateur. Ouais, c'est OK, ça, mais pourquoi pas avoir juste une clé USB normale? Ben, c'est ça. Parce que eux autres, ils veulent que tu transfères des données entre l'iPhone et l'ordinateur. Mais au pire, tu prends ton papier, ton crayon, tu notes tes contacts. Ben, c'est ça. Puis aussi le fait que l'iPhone, il y a des logiciels qui se vendent pour ça pour moins cher que 99$ et que tu peux débloquer puis voir tes MP3 et puis transférer ça comme une clé USB sur ton iPhone. Mais bon. OK, on continue. On en a plein d'autres, là. On a plein d'autres gadgets ou choses là, qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement à voir qui viennent remplir vraiment des besoins, là, vraiment. Le prochain, c'est un tapis, OK, gris, avec des straps, disons-le comme ça, rouges, d'accord? Et c'est comme un couteau d'armée suisse des tapis, mettons, ça. Un peu, si on veut. Donc, c'est un tapis padé, un peu comme quand tu fais du workout fitness gym, là. OK? Et ça se plie à quatre endroits différents. Et après ça, tu peux attacher les straps à différentes encoches dans le tapis et puis faire différentes choses. Par exemple, une chaise, OK? Tu peux faire un lit avec les pieds, les jambes d'un air. Tu peux faire presque une bassinette avec ça. Je sais pas pourquoi tu ferais ça quand tu es un adulte, mais tu peux faire ça. Ou simplement un tapis normal. C'est bien, hein? Le concept date de 2006 et on n'arrive pas à trouver de produits à acheter en ligne. Donc, on imagine que ça a fait peut-être. Peut-être qu'ils en ont fait juste un puis qu'ils ont vu que ça marchait pas. On dirait, je suis pas sûre. Moi, j'achèterais peut-être pas ça. Pas tant ça. Tu sais, c'est quand c'est rendu que ton machin que t'achètes est plus difficile à monter qu'un meuble Ikea, tu dis, ben, j'achète un meuble Ikea. Non, c'est simple quand même. T'as des encoches et des petites straps. C'est simple, mais c'est-tu utile? Puis est-ce que tu veux pas à la place acheter une chaise? Ouais, exact. Comme une vraie, là. Ouais. Une vraie chaise. En tout cas. Un autre couteau d'armée suisse presque, mais dans ce cas-ci pour de la vaisselle. Parce que tu sais, t'arrives, tu te commandes quelque chose, tu commandes, mettons, de l'asiatique, t'as besoin de baguettes, tu commandes de la pizza, mettons, t'as besoin d'un couteau, hein, mettons. Ou tu commandes, je sais pas, t'as besoin tu manges, t'sais pas quoi, t'as besoin de quelque chose, d'un ustensile, mais t'as rien parce que tu viens de déménager, mettons. Okay. Donc tu traînes ça avec toi, ça s'appelle le Just Eat. mange, non, juste mange donc, tu sais. Et puis, littéralement, tu peux sortir les baguettes de là en tirant dessus. T'as une petite fourchette de bois, parce qu'apparemment que les Britanniques aiment beaucoup ça manger avec des fourchettes de bois. Moi, les bactéries, j'aime moins ça, hein, qui viennent avec la, mais la oui, fourchette hein, de bois, c'est dégueulasse. Mais oui, parce que ça... Ça absorbe plus, là. C'est plus poreux. C'est prouvé. Ouais. Donc, pour l'instant, Just Eat est un concept qui teste comme ça pour voir si les consommateurs aimeraient ça, cette monstruosité-là. Mais c'est comme... Est-ce que c'est gros? Non, ça a l'air vraiment petit, puis ça n'a pas l'air pratique du tout pour manger avec la fourchette. C'est comme une gamelle, là, finalement, tu sais, quand t'as une... Tu sais, quand tu vas en camping, ouais, là, t'es un scout, là, t'as une gamelle. Pis t'as une fourchette, des fois, t'as des petites... Moi, j'avais exactement. Déjà... Moi, j'avais, mettons, ma cuillère, mon couteau puis ma fourchette qui s'emboîtaient l'un ouais, dans l'autre. Probablement, je le vois pas, là, ton machin, ben, mais probablement mais en plus... Fait, c'est ouais, mais oui, tu sais, quand tu décides de manger, c'est plus gros qu'une télécommande de TV là, ah, à cette conférence. Non, peut-être. Mais tu sais, ça a l'air gros, je veux dire, pour le prendre, là, beaucoup plus gros qu'une fourchette ordinaire. Ouais. On va résumer en disant que ça n'a pas l'air pratique. Non. Voilà. Est-ce qu'on peut nommer ce qu'il y a dedans? Bon, on a dit les baguettes chinoises, fourchette, couteau, cuillère, fourchette de bois et un truc pour couper la pizza. C'était vraiment essentiel de mettre la roulette. Pour vrai, la roulette pour couper une pizza, c'est vraiment nécessaire. Mais tu sais, c'est vraiment pas hygiénique si tu traînes ça tout le temps dans ta poche. Ah, laver ça en plus, ouais, ça doit rouiller là-dedans. Faut vraiment que tu le laisses sécher. Je sais pas. Ça doit rouiller, sauf le bois. Oh, bien sûr! Ah, bien c'est pour ça qu'ils l'ont fait en bois. À la place de devenir genre comme du bois, ça fait quoi? Ça gondole, c'est ça? On dit. Okay, ça pourrit. Un problème que vous avez peut-être aussi, les filles, c'est, mettons, t'as des gadgets dans ton salon, t'as une télé, t'as un lecteur DVD, t'as tout plein d'affaires, et ils ont toute une petite lumière, là, qui flash tout le temps, ou lumière bleue, des fois c'est vert, des fois c'est rouge. Ça fait pas avec le décor pour les filles, peut-être, mettons, aussi. Ah, oh, que non. C'est agaçant. Justement, ouais. Je me cherchais un moyen de faire fitter mes lumières avec mon décor. Voilà. Ça empêche de dormir. Ah, il y en a, ma tante, c'est ça, ouais. Elle met du tape sur son cadran, parce que ça. Puis il y a des cadrans avec des lumières aussi qui font juste flasher. Comme moi, ça, ils changent de couleur. Ah oui, wow. Il y en a qui peuvent l'écrire sur le plafond l'heure aussi, mais ça, c'est une autre chronique. Hein, ça, ouais, ça, c'est un peu étrange. Donc, c'est les light dims, c'est des stickers, hein, comme les Français disent, des autocollants qui vont bloquer les lumières de vos gadgets. Et là, il y a deux formats de ces collants-là que vous pouvez acheter. Il y en a qui vont bloquer 50 à 80% de la lumière pour que vous puissiez la voir, mais en plus fade, ou un autre qui va couvrir à 100%. Et là, il y a vraiment plusieurs grandeurs, donc on peut vraiment couvrir des logos complets, si on veut, sur sa télé. Donc pour ça, ça pourrait être bien, apparemment, j'imagine. Chez nous, j'ai du duct tape. Ouais, ben c'est ça, du duct tape, c'est pas aussi chic, hein? C'est fait un petit peu moins classe. Mais si tu veux les couper en rond ou en rectangle, ça a l'air beau. Ben ouais, ça doit coûter moins cher. Probablement, parce qu'on vend ça pour 5,99$ la feuille. Deux versions qui sont disponibles à ce prix-là. On ne dit pas pour combien de... Ah oui, ça dit chaque page d'autocollant en a assez pour même la plupart des salons avec beaucoup de gadgets. Donc, ça ne dit pas le nombre, mais il y en a beaucoup. Bon, OK. Beaucoup. Et ça colle très bien. Bon, c'est simple, hein? Bon. OK, le Titanium Exuvius Multitool Color. OK, c'est un truc pour faire tenir ton col de chemise droit, mais non seulement ça... Vu que c'est très, très mince et la forme est faite pour ça, c'est que ça sert aussi de tournevis, tu sais. Parce que t'as besoin... Pardon? Je comprends pas, là. Tu portes une chemise, c'est comme des petits bâtons qui tiennent dans ta chemise, OK, dans le col de ta chemise. OK. Là, tu peux l'enlever, OK. Et c'est un tournevis, c'est un débouche-bouteille, un ouvre-bouteille, OK. Donc, tout ça en même temps pour 50$ pour 4 ou 30$ pour 2. C'est fait en titane à 100%, assez fort pour être utilisé comme tournevis, ouvre-bouteille, pour couper des fils, plein de choses. Monsieur bricole en chemise, finalement. Ben oui. Ben voyons, c'est donc bien. Ça fait un peu super-héros, tu sais, je suis bien en chemise de travail, mais attends, c'est un problème, je vais te le régler avec mes... Je suis super Pierre Bruno. Non, c'est pas Pierre Bruno. Si sa chaise, elle se dévisse, tu peux avec son machin. Ah. Oui. Attendez. Il sort de sa chemise puis le répare. Attendez, Colette. Si vous avez un iPhone et vous avez besoin... Vous êtes toujours demandé si vous avez un iPhone. C'est donc difficile, tu sais, le bouton sur le côté du iPhone, il est tout petit, tu sais. Comment tu veux prendre des photos comme ça? Tu peux acheter un socle qui va se brancher en bas de ton iPhone et qui te met un gros bouton rouge. Un gros bouton d'appareil photo. Comme ça, tu peux vraiment prendre ta photo avec un bouton. Là. Vendu. Ouais. On sait pas encore le prix de celui-là non plus. C'est triste, hein? Ah, je me retire. Il ramasse de l'argent en ce moment via Kickstarter. Ouais, ouais. Ensuite, Pluggy, un autre vraiment le nécessaire gadget. Tu sais, vous connaissez dans les petites machines à bonbons, des fois tu peux acheter un petit toutou qui va aller, mettons, sur ton cellulaire, avec une petite corde après, tu sais, un charm qui appelle, là, bon, tu peux mettre ça après ton sac à dos aussi. C'est beau ça. Uh-huh. Mais là, t'en voulais un pour ton iPhone parce que l'iPhone n'a pas de petite place pour mettre ben ta corde. Ben oui, maudite place. C'est vraiment ça. Dommage. Mais vous savez ce qu'un iPhone a, une prise d'écouteur. Donc, tu peux avoir des petits charms en forme de prise d'écouteur qui rentre dans ta prise d'écouteur et puis ça peut être soit une vis, tu sais, des petites affaires comme pour, comment t'appelles ça, là, pour de métal là, pour craquer quelque chose, tu sais, genre avec deux trous dedans, tu crains. Ouais, ben je sais c'est quoi, mais je sais pas comment ça s'appelle. Un robinet, un champignon à la Mario Bros, une clé, hein, toi t'as une clé après ton collier, mais après tu peux l'avoir sur ton iPhone, c'est une clé, peu importe. ou encore une petite queue comme une fraise, cerise, fruit cane, queue, non? Ah. Dans ton ta prise d'écouteur. Ben, ça coûte 5 piastres chaque, c'est 5 piastres. Mais c'est spécial parce que, me semble, si t'as tes écouteurs qui sont accrochés et tu décides de faire twister ton iPhone, ben, tu risques de le perdre. Ton ben iPhone. Oui. Mais tu sais, mettons que tu tiens ton iPhone et tu twistes ta patente de poignée après, tu tout risques de ça, perdre ouais. ta patente. J'avoue. Ça s'appelle les pluggies. C'est bien ça. Pluggies. Il nous en reste deux derniers. Commence à faire une longue chronique, mais divertissante en même temps, je trouve. Ben oui. Tu sais, dans vos tiroirs de cuisine, vous avez, tu sais, un rack à fourchette ou encore, il y en a peut-être qui n'ont pas encore acheté de rack, peut-être qui pichent leur vaisselle dans le tiroir. C'est tout dans le désordre, cette affaire-là, tu sais. Pas pratique. Là, tu arrives pour prendre une cuillère, tu sais, puis là, tu te tranches la main, puis là, ça saigne partout. C'est pas le fun du tout. Donc, le drawer. Ça m'arrive constamment. Moi aussi. Le drawer décor Custom Organizers. C'est un morceau de je sais pas si c'est du plastique ou du silicone, avec les formes de chaque ustensile, une par une, t'sais. Fait que là, tu mets tes couteaux, là, évidemment, les couteaux qui sont toutes la même marque. Qui coupent, évidemment, mais oui. Tu mets la face vers le bas. Tu mets les petits verres de shooter, tu mets le truc pour la crème glacée, la cuillère de crème glacée. C'est 24,95 $ chaque, en bleu, orange, mauve ou rouge. C'est un ensemble de 16 trous, là, slots, si on veut. Et il y a un paquet de 3 mix and match pour différentes sortes de vaisselle pour 75 $ ou encore exactement le même prix que 3. Hey, c'est vrai, mais oui. Donc, il n'y a pas de rabais. Aucun rabais. Achetez-en 3. Mais c'est spécial parce que, mettons, tu n'as pas deux couteaux pareils nécessairement. Ben, il va falloir. Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... pour les étudiants. Oui, exact. Non, mais c'est parce que... Est-ce que c'est, mettons, tu le formes à ton couteau ou... Non, je crois vraiment que c'est standard. C'est standard, puis la vaisselle vient pas avec, hein, ce que j'ai vu. Ben non, c'est non, ça, c'est niaiseux. Là. Mais je sais pas, les personnes qui ont créé ça, ils savaient pas que ça se vendait pour vraiment rien un peu partout. Là. Je suis de la rame, mais oui. Ouais, des bacs à ustensiles normaux, ouais, là. Exact. Ouais. Pas besoin de la forme. Ça dit que le système a des diviseurs Divitz qui vont coller au base mat. Ça, c'est le base mat, c'est le tapis de base pour créer un nombre infini de slots custom. Vous pouvez paramétrer, arranger chacune, personnaliser tout ça aux formes les plus inhabituelles. Donc, si je comprends bien, c'est des petits trucs qui vont venir entre chaque pour que tu puisses faire toi-même la largeur de tes couteaux. Oh, donc, j'ai pas ce détail-là. Ça vient vraiment, tu sais, faire que le 75 $ est très raisonnable. T'sais. Oui, puis non. Ben, surtout non. Ouais, surtout non, je dirais. Oui, puis non, mais surtout non. Ouais. 80-20, non. on termine avec le Silk Bag, qui est un sac de couchage portatif à la grandeur de ta personne. C'est un habit avec les pieds et les zips. Là, tu vas aller dans le bois, puis tu vas marcher là, puis après ça, tu peux faire comme... Puis te coucher, tu sais. J'en veux un, j'aimerais vraiment ça en avoir un. 3 couleurs différentes. Un format pour enfants coûte 80 $ et les formats pour adultes, 100 $. C'est tentant, hein? Ben oui, c'est le fun, moi, je trouve. C'est pratique. C'est chaud ou... Ça va jusqu'à 45 degrés Fahrenheit pour l'extérieur. Ça ne dit pas la température de comment tu vas te sentir dedans, mais ça peut supporter jusqu'à 45. Jusqu'à moins 45? Ça dit 45 degrés Fahrenheit. Donc c'est pas que tout le monde sait, c'est quoi. Donc c'est pas pour le froid, mettons. C'est pas pour le froid. T'sais. C'est pour le camping de printemps et automne. Okay. Mettons, t'iras pas dans le nord avec ça. C'est ce que je comprends. Et après ça se défait puis ça se met dans une boule puis avec. J'imagine sur ton dos ou dans un autre sac. Ben sérieusement, dans tous les trucs que t'as nommés, celui-là, là, je l'achèterais peut-être. Ah ouais. Ok. Trouve ça cool ça. Toi, Marie-Pierre, est-ce qu'il y en a un là-dedans que tu voudrais? Attends. Comme j'ai pas de iPod pour planter la petite gugus dedans, mon Dieu. Sinon, ça aurait été celle-là. Ben non. Mais tu peux mettre dans d'autres choses, ça fonctionne dans n'importe quelle prise d'écouteur. T'sais. Attends, que j'y réfléchisse un petit peu. Peut-être le truc pour trancher là, avec la salade. Main ah ninja. Oui, ça, c'est cool. J'aime ça. Ouais, moi, le sable laser. Ouais. Oh, ça fait 7 degrés ouais. Celsius, 45 Fahrenheit. Donc, c'est ça, c'est pour l'été, c'est pour les petits. Oui, c'est pas en bas de zéro. Là. Je vais laisser sur assemblagerequis.com, dans la section « Ça existe, mais ça devrait pas là ». Une canne à pêche avec caméra intégrée. Pour voir votre poisson quand vous le pêchez. Il y a aussi une montre AlcoTest. Donc, vraiment, pour les nombreuses fois que vous allez avoir besoin d'un AlcoTest, c'est bon de l'avoir 24 heures sur 24 dans ta montre. C'est à peu près ça. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour tous les liens. Hein? J'irai. Bon, c'est une bonne chronique, ça, hein? Ouais, c'était bon. À la hauteur de mes attentes. Bon. C'est réussi. Carine. Yuppidou! Je suis donc fier. Bravo, Mathieu. Ouais. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Il nous reste encore... oui, bonjour. C'est la reine qui nous fait salut. Salut, Marie-Pierre. Tu me fais un beau petit salut de la reine. Il va falloir que je parte. Ah, faut que tu t'en... Ah, non! Oui. Ah, tu t'en vas. Oui, je suis désolée de devoir partir comme ça, mais j'ai une obligation qui m'oblige à partir. Voilà. Une obligation qui t'oblige. Une obligation qui m'oblige. C'est ça, ben, tout à fait. Mais une obligation qui fait sa job. Oui, une obligation qui fait sa job. Mais par exemple, on va se voir la semaine prochaine. Je serai au rendez-vous et en pleine forme. Jeudi prochain à 13h. Ben, bonne fin de semaine. Puis, bonne fin de semaine à vous et amusez-vous pendant le week-end avec un jour de congé de plus. Ouais. Est-ce que tu mets la prudence au volant? Oui, prudence à n'importe quoi. Prudence, je te dis, il y a des accidents qui arrivent à Saint-Jean. C'est vrai. Hein? Achetez-vous la montre. Ça peut être bien niaiseux. Oui, exactement. La Saint-Jean, là, c'est la fête où on a besoin de la montre AlcoTest. Sûrement que le sleeping n'est pas si rapide que ça. Ou si vous ne savez pas si vous allez dormir dehors, bon, si jamais vous pouvez pas retourner chez vous, le sleeping bag en fond d'habit. Hein? Puis vous ne savez pas où vous allez manger, ça vous prend le couteau suisse multidisciplinaire. Tout fonctionne. Vous voyez pourquoi je fais cette chronique-là? C'est pour ça, pour des affaires utiles, là, même dans la vie. On va l'entendre, Martin Léon, en position numéro 3. Est-ce que tu m'aides à présenter la pièce? Eh bien sûr! Bien sûr! C'est le Shack at Shock de Martin Léon. À la vie de croisière d'assemblage requis! Vers la cible, touche à rien, improvise, sort un poème ou deux. C'est devenu ça la devise, rien que tu peux faire de mieux. Je m'occupe du reste. Hey, little chick, tu choses, ça choque. Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chic, oui, chaque action. Hey, little chick, tu choses, ça choque. Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chic, oui, chaque action. Cette très belle poésie que voici. Dernière étape. Showtime. Tu te retrouves nulle part, mais détendu. Souliers chaînés, bouquet, tout ça. Là, tu vas entendre la musique. Suis-la. Va d'où elle vient. Sur la route, il y a quelqu'un qui va te lire une recette de tarte aux pacanes. Écoute-la, ça vaut la peine. Quand t'arrives devant une grande porte de métal, sors la cache, paye l'entrée, t'es rendu. Te v'là en enfer. Si c'est sold out, tu bouges pas, t'attends. Des fois, ça peut être long. Le crapaud à l'entrée, tu y offres tes dents et ta dernière poésie. Faut qu'il t'en reste quelques-unes rendues là si t'es tout seul. Pense-y en cours de route quand tu te casses la gueule. Je m'occupe du reste. Choc. C'était très belle poésie. Oui, très belle. Martin Léon en position numéro... Ouais, tu parles aussi. Ça monte de 11 places en troisième position francophone. C'est la fin de la... quelle heure qu'on est rendu? Il est rendu... 4 heures. Ça veut dire qu'on a commencé à une heure, il en reste une. Donc, c'est la fin de la troisième heure. Voilà. Voilà. Yes. De la vie de croisière d'assemblage requis, il va nous rester seulement le top 2, Monogrenade et le numéro 1. On vous dit pas encore ce que c'est. On sait que la semaine passée, le numéro 1, c'était Peter avec Réfractaire. Ça a descendu en sixième. Donc, on a un nouveau numéro 1. J'ai hâte de voir. C'est excellent. J'ai hâte d'entendre. Et dans la quatrième heure, on va aussi avoir une chronique. Je vais y aller avec des choses qu'on est sûr d'avoir. Kiwan, en cavale, qui va nous parler de, entre autres, je sais qu'on va écouter du Chad Van Galen et du El Motor, mais on saura pourquoi tantôt. On va aussi parler avec Stéphanie Gagné, en direct d'Ontario. Elle qui va nous parler de son plat favori, donc on ne sait pas encore ce que c'est non plus, mais c'est quelque chose qu'elle a aimé pendant la semaine. Qu'est-ce qu'on a aussi? On devrait avoir la deuxième partie de C'est un fait, si tout va bien et que ça rentre dans le temps. Super, c'est un fait. J'ai hâte de voir ça, moi, ces faits-là. Est-ce que tu restes un peu encore ou... Ben, je peux rester avec toi. Colin! Ça c'est me fait génial. Plaisir. Bon, mais restez là. C'est la vie de croisière d'assemblage requis. Ça revient dans 2 minutes. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la quatrième et dernière heure de la vie de croisière d'assemblage requis. On est en direct du bateau SS Requis. On est rendu où en ce moment? Est-ce que tu veux rappeler aux gens si tu vois un monument quelconque? Ben là, présentement, on n'est pas tout près justement de... Voyons, je vois une espèce de dôme, là. On serait pas proche de Sydney, présentement. Sydney? C'est une espèce de... Tu vois, là, tu vois-tu l'espèce oui, oui. de... Ça me dit quelque chose? La bâtisse avec une drôle d'architecture. Texture. L'architecture. Drôle de texture artistique. Et, ouais. Ouais, j'aime ça, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est écœurant. Je pense qu'il y a un truc de parc d'attractions aussi, là, pas proche, là, il me semble. Là, t'avais de voir un kangourou passer. Sûrement, là, oui. Ouais. Ah ouais. Donc, le quatrième arc qui va être rempli de... Ça va être majestueux, je dirais, tel un dôme rempli de... Rempli de kangourous. Rempli de kangourous, un dôme rempli de kangourous, ça a bien de sens. On va entendre les positions 2 et 1 tout à l'heure, plus tard, parce que quand même, il reste une heure, donc on va essayer d'étirer le plaisir un petit peu, hein, comme de la gomme. Ouais, comme de la gomme. On va l'entendre, une pièce que Marie-Pierre adore. Marie-Pierre qui nous a quittés. Je lui rends hommage, même si c'est toi qui la remplace en ce moment. En passant... On remarque ici la voix de Marie-Pierre Fugère en remplacement de Marie-Pierre Lafondre. Oui, exactement. Myriam, tu veux dire, c'est ça? Myriam Fugère? Mais oui. Ça, c'est ça, Myriam Fugère. C'est pas Marie-Pierre qui s'est sorti? Non. Marie-Pierre Fugère. Je dis en remplacement de Marie-Pierre. Ah ouais? Okay. Ah, excuse-moi, je parle vite, puis moi, parle vite, ça va pas te. Toi, je sais que tu parles vite, tu l'as toujours, là, puis c'est tout le temps parfaitement dans les temps, 23 secondes. T'es texturé. Comment? Le bel architecturale. Ouais, c'est ça, ça sort tout le temps comme ça. C'est parfait. Quand tu fais des publicités, est-ce que des fois tu t'en fâches puis ça donne-tu des bloopers fantastiques qu'on pourrait peut-être demander au producteur de la place où tu l'as enregistré pour venir nous la donner? On aimerait mieux pas. T'aimerais mieux pas? Ben oui, des fois ça arrive, évidemment, puis on a un petit « oh, crotte » qui sort. Ah oui, tu dis « oh, crotte ». Oups! Cute. Oups! Sac à papier, sapristi, macaroni tout garni, tu sais. Caline de Bine, là, ouais. On recommence. Donc, on écoute, comme je le disais, hein, ça fait un bout quand même que je l'ai dit, mais bon. Quand même. On va entendre la pièce Walk in the Park. Ça nous vient du groupe Beach House. On va écouter ça pour Marie-Pierre. Et puis plus tard, on va parler à Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Ça te va? C'est un beau plan? Ben oui. Le plan est excellent. J'embarque. Ça se fit de macaroni tout garni, toi? C'est le même qui parlait dans macaroni tout garni. Hein? Ouais. Celle-ci fit. Je parlais comme ça. C'est pas une plus longue imitation tantôt. Macaroni trou. Yeah. Qu'est-ce que t'as dit qu'il y avait sur la table du studio, Myriam, excuse-moi? Myriam? Une matière collante. OK. Et puis? Tu t'amusais avec quoi, avec ça? Bon, là, OK. J'ai dit que je prenais plaisir à mettre mon doigt dedans, sans aucune idée, sans aucune arrière-pensée. Mm-hmm. Mais bon, ça a l'air qu'on me prête de mauvaises intentions. Ça a bien l'air à ça. En tout cas. Ouais. En tout cas. Ouais. On disait aussi tantôt, avant de dire ce qu'on disait tantôt, on vient d'entendre Beach House avec Walk in the Park, parce que c'est le reste, là, des fois à radio, on dit pas les noms des pièces, puis c'est fatigant pour les auditeurs. Ben oui, ça nous prend Shazam dans ce temps-là. Ben oui. C'est ça, les gens écoutent la radio avec leur iPhone à côté pour savoir ce que c'est. Shazamer ça. Hey, genre, ça me mène à parler de ça. À la télé, ils passent des publicités, tu sais, puis à un moment donné, c'est une pièce complètement instrumentale qui joue en arrière-plan. Puis là, t'as une icône en bas de l'écran qui dit Shazam, puis qui dit genre Shazamer maintenant, t'sais. Maintenant, OK, pour savoir c'est quoi la pièce instrumentale qui joue comme dans un ascenseur en arrière. C'est rendu comme ça, les pubs à la télé. Ouais, ben là, la petite pièce instrumentale en arrière, c'est tannant, là. Ouais. Mais je me suis juste surprise à partir de ma chambre en courant. Moi, chez moi, il y a comme j'ai un deuxième étage. Ouais. Puis je suis partie en courant de ma chambre, j'ai descendu les escaliers et je me suis lancée dans mon salon parce que j'entendais une chanson là, que ça faisait, dans une publicité qui est Angus et Julia Stone, là, okay. Big Jet Plane. Puis je voulais donc bien savoir c'était quoi, parce que je savais que je l'avais dans mon iPhone, mais je voulais savoir c'était laquelle. Je l'ai shazamé. Oh. Hey, on a le téléphone qui sonne. Attention, on va aller comme ça en direct. Est-ce que je me rends? Je pense pas. Il faut que tu remplisses le temps pendant ce temps-là. OK, ben oui, ben écoute, on va répondre. Mais oui, comme je disais, j'ai dû aller shazamer finalement, puis pour finalement le trouver. Mais en fait, c'est super pratique. C'est l'application, je pense, la plus pratique qu'il n'y a pas. Sauf que c'est plate quand tu n'as pas la version premium, là, la version premium. Premium. Premium, tu pourrais l'appeler premium. Premium, qui ressemble un peu à Plablum, c'est agaçant comme mot. Puis enfin, bref, donc c'est plate quand on l'a pas, parce que je crois que c'est 5 utilisations par mois que tu peux avoir de Shazam, mais qu'il faut pas que tu en abuses. Hein? Vraiment pas. Sur ce, qui est au téléphone? Ouais. Sur ce, au téléphone, on va aller rejoindre en direct de notre bureau en Alberta notre ami Kiwan, et on l'appelle communément dans le domaine Kiwan en cavale. Ah, wow! C'est Kiwan en cavale. Salut Kiwan, ça va? Hey, bonjour, ça va bien, vous? Super! Ben oui. On aime quand on entend la musique de la crème glacée, ça nous donne faim à toutes les fois, même si on sait que tu ne parles jamais de crème glacée. Ah, c'est quoi? Je pense que j'avais jamais fait le lien avec le crayon de crème glacée. Bon, ça m'apprendra à trouver des références obscures comme tu ça. Tu teases la crème en glace. C'est ça. C'est des sandwichs à la crème glacée que je préfère. Yam! Si jamais tu voulais savoir, puis pour un cadeau quelconque temps. Ouais, c'est ça. Ben, je pourrais toujours te l'envoyer par la poste, mais... Dans une glacière. Pas intact, là, surtout avec la grève, hein, ça va être long. Ah, j'avoue. Ouais. Caroline, ça va être dégueulasse, tout ça. Ouais, exact. Pour ceux qui nous écoutent sur l'heure du souper, ben, bienvenue à vous quand même. Kiwan, qui est en direct de l'Alberta, toujours pour nous parler d'un sujet qu'on ne sait pas nécessairement où tu t'en vas avec ça. On sait quelle pièce on va entendre. On a mentionné Chad Van Galen et Elmotor, mais pourquoi? Ouais, c'est toujours une surprise que je vous fais. Hein? Ouais. C'est vraiment prévu comme ça, c'est parce que je veux vous surprendre, évidemment. Mais oui, ben en fait, je voulais vous parler brièvement comme ça d'un festival qui a lieu en fin de semaine, qui a lieu présentement, en fait. Puis, je vous en parle pas, évidemment, pour que vous puissiez aller le voir, parce que c'est dans le coin ici, c'est à Calgary, en fait. Donc, je pense pas que vous allez pouvoir vous déplacer en fin de semaine pour aller voir ça. Mais quand même, je voulais vous en parler un peu, parce que c'est un festival très cool qui est un peu sur le modèle, je dirais, de Oshiaga, que vous pouvez connaître, peut-être. Oui. Et qui en fait, le thème, finalement, du festival, c'est vraiment musique et art indépendant. Mais la formule ou la forme du festival est un peu différente. En fait, c'est pas dans un seul endroit, comme par exemple Oshiaga. C'est plus, je dirais, plus sur un modèle comme les Francofolies. Donc, c'est à la grandeur de la ville. Donc, la ville de Calgary au complet, pendant cette fin de semaine-là, va être animée par la musique et l'art indépendante. Et donc, il y a 25 lieux de diffusion différents à travers la ville. Autant des bars que des parcs à l'extérieur. Il va y avoir des restaurants même. Il y a un endroit très cool où je veux justement, là, j'ai essayé de débusquer un peu quelques spectacles que je voulais voir en fin de semaine. Puis l'endroit s'appelle le Toby Dog. C'est un restaurant à hot dog. Je me disais que t'aimerais ça, Mathieu. Ben, c'est sûr. Andrés. Et puis, non, c'est ça. Donc, 200 artistes, surtout des artistes locaux de l'ouest du pays, je dirais, mais quand même une partie de la programmation aussi qui est plus internationale. Il n'y a pas de grands noms des artistes plus grand public, comme mieux, par exemple, la Oceaga. Mais c'est vraiment plus dans l'underground, mais un très beau festival. Et justement, donc, Chad Van Gaelen va être là en fin de semaine. C'est un artiste que je veux aller voir. Et je pense qu'il a fait son entrée, d'ailleurs, dans votre palmarès, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Chad Van Gaelen, qui est en position numéro 4 en ce moment avec Sarah. Oui, exactement. Voilà. Très bonne pièce, d'ailleurs, Sarah. Mais j'ai choisi une autre pièce qu'on ira écouter dans quelques minutes. J'ai choisi une autre pièce de faire entendre parce que c'est la pièce Sarah, je trouve, est... En fait, c'est dur de cibler un son là, pour cet album-là de Chad Van Gaelen parce qu'il est quand même les sonorités sont pas si homogènes. Mais cette pièce-là, je trouve, ressemblait plus au premier album, la pièce Sarah. Le premier extrait ressemble plus au son qu'on retrouvait sur le premier album. Mais il y a d'autres pièces qui sont un petit peu moins bien. Non, j'allais dire moins mélodique, mais en fait, c'est que les mélodiques sont un petit peu plus différentes, un peu comme presque désaccordées des fois. Un son très, très low-fi, une finition low-fi. Et donc, je voulais vous faire entendre peut-être une autre facette de l'album de Chad Van Gaelen. D'accord. On va entendre ça tout à l'heure. On va aussi entendre du El Motor. Oui, je sais que t'aimes El Motor, Mathieu. Oui. Et est-ce que tu savais qu'il prépare un nouvel album? Non, je savais pas ça. Ben oui, ils sont d'ailleurs en spectacle ce soir, là, pour ceux qui écoutent l'émission en direct, le 23 juin. J'imagine que c'est un peu un genre de spectacle de fête nationale, quoi que c'est à l'intérieur. C'est au Quai des Brumes à Montréal, donc peut-être pas l'ambiance idéale pour un parti de Saint-Jean. Mais quand même, ils vont être en spectacle avec Navet Confit et ils vont présenter leurs nouvelles pièces. Ils ont 10 nouvelles pièces qui sont en train d'enregistrer ou vont enregistrer au courant de l'été. Donc j'imagine que le prochain album va être pour l'automne ou l'hiver prochain. Mais j'ai vraiment très, très hâte. C'est un groupe que moi aussi, j'adore, El Motor. Donc j'attendais avec impatience un nouvel album. Ça fait quand même 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans que le premier album est sorti. Donc, il était dû, je pense, pour nous présenter du nouveau matériel. Oui, c'est sûr que ça va tourner à fond et on va passer chacune de leurs pièces dans le palmarès une après l'autre, comme à toutes les fois qu'on a du El Motor sous la main. J'espère. Pendant qu'on est encore au bout du fil, on va. En fait, j'essaierai même pas de faire le récapitulatif de ta carrière depuis les derniers mois parce que c'était tellement compliqué que la dernière fois, je t'ai demandé, mais en fond, tu venais juste de nous dire à la chronique précédente. Donc, à la place, fais-nous un petit résumé. Là, t'es rendu où? C'est quoi ton travail? Comment va ton horaire? Comment va la vie, la femme, les enfants? C'est assez stable, là, je vous dirais, depuis quelques mois. Je travaille encore pour le même endroit, là, une compagnie de transport, et je transporte des graines de tournesol. C'est la saison, ça a l'air, ces temps-ci, là, les graines de tournesol, c'est très en demande. Ben oui, est-ce que tu as rencontré Mélanie Ménard qui fait la pub à la télé pour les Spitz? N'importe quoi, cette pub-là. Elle se met à cracher des graines de tournesol à la TV, puis c'est supposé être vraiment comme, « Oh, Caroline, je vais aller m'acheter des graines de tournesol tout de suite! » Ben moi, j'ai pas eu la pub, mais c'est pour cette compagnie-là, en fait, que je travaille. Speed. Ah, donc, bon, bien, quand même. On l'aura mentionné. Il y a un lien, quand même. On attend les caisses de graines de tournesol demain. je vous envoie ça. Vu que la pub est faite. Hein. On va pouvoir faire des bruits comme ça pendant qu'on anime. À radio, ce serait pas pire, hein? Ben oui. Myriam va faire la a déjà mangé des chips, mais semble, ou des bonbons pendant qu'il animait. Ah oui? Ouais, on l'a pogné en flagrant délit. Caroline, ça fait de la belle radio. Ouais. On aime ça. Ça rend ça agréable. Ouais. Donc, tu livres des spits comme ça et puis tu fais des records, j'imagine. Tu te dessines des cibles sur le côté de ton camion et tu lances toi-même tes graines de tournesol là, c'est ça? Non, moi, je suis pas tant un adepte, je vous dirais, là, de la graine, de la dite graine de tournesol. Je ne suis pas un adepte de la graine. Donc, on aura tous... on va se souvenir de ça, c'est super. Sinon, est-ce que ça paraît que je suis sur le bord d'une autoroute présentement? Parce que j'imagine que vous devez entendre le trafic, mais non, peut-être pas. Colin, hey, ça serait vraiment plate là, si mettons, tu faisais un accident à cause que tu es au téléphone, puis que ta dernière phrase, c'était « Je ne suis pas un adepte de la graine ». Ben, ça serait quand même un... Ça serait un bel épitaphe, je pense. Oui, bel épitaphe. Ouais. Il n'était pas un adepte de la graine. OK. Donc, ben merci beaucoup, Kiwa. Eh ben merci à vous, puis prenez soin de vous, là. Ben bien sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler, toi aussi en passant, est-ce que tu peux nous rappeler les noms des pièces de Chad Van Gaelen et de El Motor et l'ordre dans lequel tu voudrais les entendre, s'il te plaît? Ben l'ordre, je vais te laisser ça, Mathieu. Mm-hmm. Vas-y comme tu le sens. J'aimerais ça qu'on entende la pièce Peace on the Rise, je crois, de Chad Van Gaelen. Est-ce que c'est le titre exact? Oui, c'est la pièce numéro 2 de l'album. Peace on the Rise, exactement. Mm-hmm. Et Hippocampe de El Motor. Parfait, on écoute ça et on se retrouve très bientôt dans une autre chronique Kiwan en cavale. Kiwan. Ben, j'espère. Merci. Salut. Bonne journée. Bye-bye. Bye. C'est l'homme qui n'apprécie pas tant les graines. Voici Chad Van Gaelen. Ah, c'est... J'adore ça. C'est n'importe quoi. Ouais. We'll be right back. boucles d'oreilles en perroquet chante ta chanson en même temps, ça? Non, ils disent à Steph. On est bientôt en onde! Oui, bientôt, bientôt. Avant ça, par contre, je voulais rappeler le thème de l'émission. On rappelle que Kiwan n'aime pas tant les graines. Toi, tu as mis le doigt dans quelque chose de très gluant et tu aimais ça, c'est ça? J'appréciais particulièrement... Non, c'est pas ça. D'accord. Je me souviens plus ce que je disais. Et mais... notre public en studio pensait que Kiwan s'appelait KY. Le public en studio, ouais! Tap, tap, non, participe pas. Non, participe pas du tout. On va faire participer notre public outre-mer, presque. Outre-mer étant, évidemment, l'Ontario. On va parler avec Stéphanie Gagné. Voici ton plat favori. Bonjour Stéphanie d'Outre-mer. Allô. Ça va? Oui, vous autres. Ben super. Oui. Qu'est-ce que... Mais c'est qu'est-ce... pas vraiment Outre-mer, hein? C'est juste au bord de la rivière. Est-ce parce ben, qu'on est à Sydney, nous autres? Oui, oui. Voilà. C'est pas le thème de « on est sur un bateau, le SS requis, on est en croisière, la vie de croisière, l'assemblage requis, etc. » Non? Ah, c'est un peu trop loin, là. Moi, je suis quasiment... Je suis à 4 heures de ça, là. Fait que moi, j'ai comme tout oublié ça, là. Mais justement, t'es à 4 heures d'ici et tu fais l'aller-retour Trois-Rivières, Ottawa. Est-ce que c'est Ottawa ou près de? Ouais, ben, je suis juste à côté d'Ottawa, là, à Gatineau. OK. Gatineau, on aime ça, Gatineau, comme le groupe de musique. Est-ce que, ouais, c'est, est-ce que c'est aussi bon que Gatineau, que le vrai groupe? Hein? Est-ce que c'est aussi intéressant à Gatineau que le groupe Gatineau? Oui, c'est assez différent de Trois-Rivières, je dois dire. C'est spécial par ici. C'est pas pareil. Mm-hmm. Par exemple, est-ce que tu as eu une anecdote spéciale? Est-ce que tu viens d'arriver? Ça fait combien de jours que tu es là? On veut tout savoir parce que les gens à la maison, c'est ça qu'ils veulent du contenu pour se mettre au courant des chroniqueurs de l'émission. Ben, en fait, je suis partie de Trois-Rivières samedi soir. Okay. Mais par contre, hier, j'ai fait de l'aller-retour Trois-Rivières pour aller au bal de finissant à ma sœur. Ah. Mais côté Gatineau, c'est un peu spécial. Disons que c'est pas le même genre de monde. Moi, j'habite un peu dans un quartier un peu bougon. tout le monde connaît la vie à tout le monde. Les voisins se parlent entre eux. C'est bien spécial. C'est super drôle. Puis ici, il y a personne qui connaît la définition de douchebag. Ah. C'est très drôle. Fait que... À part de ça, on les appelle les Gino ici. Okay. Ah, les Gino! Oui, oh, ben. Ils se promènent avec la calotte un peu surélevée sur leur tête, en chest, avec des gros tatous, un tatou tribal sur le bras, dans leur civique, là. C'est J'adore malade. Ça! C'est immanquable. C'est vraiment quelque chose. Wow. C'est assez différent. Donc, on va rappeler à nos auditeurs qui ne sont pas des auditeurs fréquents de l'émission que Stéphanie Gagné, bon, fait sa chronique ton plat favori depuis presque le début de l'émission en quoi, de janvier 2010 que tu as commencé? Je pense que oui. Donc, c'est ça maintenant. Elle est partie étudier à Gatineau. Et puis, elle va faire des chroniques pour nous pendant l'été, comme ça, une fois de temps en temps. Elle qui a co-animé l'émission avec moi l'année passée. Et là, je dois lui dire à Stéphanie, à toi finalement, que c'est Myriam aujourd'hui qui co-anime avec moi la dernière heure parce que Marie-Pierre est partie. Oh! Tu m'avais pas reconnue. Ben oui, j'avais reconnu. J'écoutais l'émission avant d'être en onde. Bon, tant mieux. Donc, aujourd'hui, dans ta chronique ton plat favori, de quoi est-ce que tu veux nous parler, ma chère? Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai découvert cette semaine, mais c'est un groupe que j'ai vraiment adoré, que j'aime toujours, que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans de ça. C'est la Patère Rose, donc groupe électro-pop québécois et surtout francophone, composé de Fanny Bloom et Roboto et Kilojoule, qui sont aussi de Mister Valère. Dans le fond, je vous parle de ce groupe-là parce que le groupe s'est séparé. Donc, c'était leur dernier spectacle le 21 juin. Cette semaine au cabaret du Myland. Donc, un peu dommage, mais c'est sûr que c'était inévitable vu que les gars sont dans Mister Valère qui connaît beaucoup de succès ces temps-ci. Et Fanny Bloom, elle n'avait pas d'autres projets, donc elle était un peu tannée d'attendre après les deux autres. Mais Fanny Bloom, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Elle est déjà en studio, en train de préparer un album solo qui devrait sortir cet hiver si tout va bien. Donc, ça va être assez intéressant, mais c'est quand même triste pour le groupe La Patère Rose qui a pas mal tourné assez fou dans les palmarès avec leur album éponyme La Patère Rose en 2009 et leur EP Waikiki qui était sorti l'année passée. Mmh, je dirais que bon, deux tiers ou trois quarts de leur CD, de leurs deux CD ensemble, ont fini sur notre palmarès à un moment donné, à un moment ou un autre à travers notre histoire. Ben d'ailleurs, je pense que le trio en tant que tel était vraiment triste de se séparer. Oui, c'est triste, mettons, pour vous qui l'avez fait donc bien jouer assez fou, mais eux aussi étaient tristes de laisser partir ce projet-là, selon ce que j'ai lu sur le sujet. Il aurait pu faire quelque chose d'un petit peu moins fréquent, peut-être sortir des albums moins souvent, mais pas détruire le groupe d'un coup sec comme ça. Mais ils ont dit que c'était pas la fin, que c'était pas la dernière fois qu'elles allaient être les trois ensemble sur scène. Donc peut-être un jour on va les revoir, on sait pas. Mais c'est vrai par contre, comme Myriam a dit, que le groupe aussi était triste comme... dans le fond, ils ont gagné les Francouvertes en 2008. Et la journée de la finale des Francouvertes, c'est la journée qu'ils ont annoncé la dissolution du groupe. Et aux Francouvertes, quand ils montraient les photos des gagnants des années passées, Fanny Bloom s'est mise à pleurer en voyant leurs photos parce qu'ils venaient d'annoncer que le groupe se séparait. Donc, c'est assez triste. Dommage. Oui, vraiment, un album que j'avais vraiment adoré. Je l'avais écouté non-stop pendant un été de temps. Je l'écoute, je l'adore du début à la fin. C'est vraiment un super bon album. Pas seulement les hits, comme les hits pour nous, mettons. Les hits relatifs qu'on appelle, oui. Ouais, c'est ça, comme Lamarel ou Pacemaker. Mais moi, ma pièce préférée, personnellement, est un petit peu plus tranquille. C'est la pièce L'éponge. Et c'est justement celle que je voulais entendre. D'accord, bon, on va aller écouter ça. Sinon, autre chose à rajouter, Stéphanie, en direct d'Ottawa, de Gatineau, en Ontario? Non, c'est pas en Ontario. Ah, ben, je peux donner une petite idée sur ma chronique de la semaine prochaine. Mm-hmm. J'ai déjà choisi ça allait être quoi? Ça allait être pas mal axé sur le cinéma. Donc, je me suis pas mal mis à jour dans les dernières semaines. J'ai écouté plein de films récents et des films qui sont sortis un petit bout de temps. Oui. Et on en a parlé cette semaine, Mathieu. Et oui, je vais en parler la semaine prochaine, c'est décidé. Je vais parler, entre autres, du film de Scott Pilgrim. J'ai hâte. C'est mon film préféré de tous les temps, je pense. Je l'ai écouté cette semaine avec ma colocataire et je l'ai accroché. Elle aussi, elle a vraiment aimé le film. On la salue d'ailleurs, Sophie. Bon, alors, je vais lui dire ça. Parfait. Merci encore et puis on se retrouve bientôt, peut-être la semaine prochaine, tu disais? Oui, jeudi prochain, je vais vous appeler. Parfait. C'est écrit, c'est dans le béton et ça ne peut pas revenir en arrière, tu le sais. Non, je sais, je vais m'arranger pour pouvoir vous appeler. Donc, on écoute La Pâte à Rose avec L'Éponge. Merci beaucoup. À la bye prochaine. Bye, Steph. Bye. Escalier dedans la pièce, il me transporte, il me déporte, il me transporte. Planté là, les yeux gros comme des deux pierres, je suis la risque de faire une crise. Et je plonge la tête la première. Je suis une éponge qui absorbe la matière. Une éponge qui absorbe. assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention, requin. Atomic Baobab et Foxtrot Uniform sur leur maxi Atomic Baobab EP. Hein? Eux, tant qu'à se trouver un nom d'EP, ils l'ont juste appelé EP. Hein? Hein? Ah, voilà, c'est pas compliqué. Clairement. Aussi évident que certains des faits que je vais vous dire, mais la plupart ne seront pas liens douteux, qui veut absolument rien dire. Pour faire la chronique, c'est un fait. Chronique, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, les 3V, ou encore, si tu montes tes 4 doigts comme ça, ça fait 3V, c'est le logo de ma chronique, là. Yes, c'est ouais. Full Ghetto West Side Represent. Donc, premier fait, tous les pilotes du monde parlent anglais. Moi, tu vois, j'étais pas au courant. Tous les pilotes du monde parlent anglais. C'est à cause d'un texte qui a été signé là, des Nations Unies qui s'appelle l'International Civil Aviation Organization. C'est l'organisation qui a fait cette loi-là. Donc, en 2008, on a dit que les pilotes et les contrôleurs là, du trafic aérien doivent parler l'anglais, peu importe dans où ils sont dans le monde. Vu qu'il y a des centaines de personnes dans les avions et tout ça, il y a des vies qui ont été perdues à travers le temps à cause de mauvaises communications entre les différentes langues. Donc, ils ont dit anglais seulement. Par exemple, on dit que 349 passagers sont morts dans une collision dans les airs quand un pilote d'Arabie Saoudite et un autre, un pilote ouzbek, ou de l'Ouzbékistan, j'imagine, ils ne réussissaient pas à se comprendre. Donc, c'est ça, 349 personnes sont mortes et un autre accident où 159 passagers d'un vol d'American Airlines sont morts quand le pilote n'avait pas à comprendre le contrôleur aérien de la Colombie. C'est triste, hein? Fait que ça veut dire que tous les contrôleurs aériens doivent, de ce fait, parler anglais également. Et voilà. Tout le monde comprend l'anglais, tout le monde se comprend. J'aime ça. Les scientifiques japonais, tu vas trouver celle-là peut-être un petit peu moins fun. Les scientifiques japonais ont créé de la viande à partir de déchets de défécation humaine. Yes. Oui, yes, en effet, yes, no toaster. Mitsuyuki Ikeda et son équipe de cherchistes se sont fait demander par la compagnie qui s'appelle Tokyo Sewage, donc Tokyo Sewage, c'est les égouts de Tokyo, évidemment, de trouver une façon de se débarrasser de tous les déchets, le genre de boîte, si on veut, qu'il y avait dans la ville. Ah, j'ai mal au cœur. Ben, je sais bien. Après avoir performé des tests en laboratoire, je sais qu'il est comme près de l'heure du souper, je vais essayer de faire ça vite. Donc, après avoir performé des tests de laboratoire, les scientifiques ont découvert que le déchet était très élevé en protéines. Donc, ils ont isolé cette protéine-là. Ils l'ont modifiée avec plein de produits différents, des protéines, d'autres protéines, et du colorant rouge pour créer du feces steak, donc littéralement là, du steak de déchets. Là. Donc, selon les cherchistes, c'est 63% de protéines, 25% de carbohydrates, 3% de liquide et 9% de minéraux et que ça goûte exactement pareil comme du bœuf. Bon. Cette viande-là est aussi, bien évidemment, meilleure pour l'environnement. On considère les effets de serre là, qui seront réduits si on fait ça. On dit si les gens sont capables de passer par-dessus le fait que ça vient de où ça vient. T'sais. Moi, je te dis non tout de suite. Je pense que bien des gens vont dire non tout de suite. Je sais pas si on va se le faire forcer. Ah, moi, ça passe pas. Arc. Peut-être qu'ils nous le diront pas que c'est ça. Peut-être que c'est déjà ça qu'on mange. C'est ça le problème. C'est ça qui m'agace. Les mecs croquettes, on sait pas, là. Ah non. On sait pas. Arc, Mathieu, dégueu. C'est comme ceux qui boivent. Ah, ben dans le fond, le jus de pomme, ça doit être de l'urine. Peut-être, on sait pas. OK. Plein de choses qu'on sait pas dans la vie, ça. Ben oui. Ouais. Prochain fait sur Walt Disney qui a reçu un Oscar très très spécial pour Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est une grosse statuette des Oscars avec 7 petites statuettes à côté. Ah. C'est vraiment vrai. En 1938, j'étais même pas au courant. En 1938, Walt Disney a reçu donc un Academy Award honoraire, qu'on dit, pour ce qu'il a fait avec Blanche-Neige. Disney a le record pour le plus d'Oscars en général. C'est un autre fait qu'on nous dit. Il a reçu 22 Competitive Awards dans sa vie et 4 autres prix honoraires. Voilà, ça c'est Walt Disney. Non, mais le fun, les petites statues. La photo est sur le site assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Je vais aller voir ça. La compagnie Shell. Shell Oil Company. Avant, c'était une compagnie qui vendait. Devine qu'est-ce qu'ils vendaient, Shell, avant. Je sais pas, moi, des ballons de plage? Non. Devine, le mot Shell, ça vient d'où en anglais? Ah, OK. Je sais pas. Des coquillages. Exactement. Ouais, okay. Exactement. Donc, Marcus Samuel était un vendeur d'antiquité, si on veut, à Londres, qui a découvert qu'il y avait une grande demande pour des coquillages qui venaient du Far East. En tout cas, Far East, c'est quoi? C'est dans l'Est. Pas du Far West? Ben, j'imagine, ou le contraire. Donc, il a commencé à importer des coquillages et éventuellement, il a créé toute une entreprise d'importation et d'exportation de coquillages et c'est devenu Shell Transport and Trading Company, donc compagnie de transport et d'échange de coquillages. Marcus Samuel a ensuite légué sa compagnie à ses deux fils, Marcus Samuel Jr. et son autre fils qui s'appelle Samuel. Samuel, c'est wow. Sammy Sam. Hey, Sammy Sam. C'est ça. Après ça, le moteur à combustion est arrivé au début du, en tout cas, au 19e siècle. Les frères Samuel ont décidé d'entrer dans la business de l'huile, dans le fond, du pétrole. Donc, pendant des décennies, Shell a acheté de l'huile de la Russie. Et il l'a envoyé partout dans le monde. En 1907, Shell s'est fusionné avec Royal Dutch Petroleum pour devenir Royal Dutch Shell, qui est maintenant une des plus grandes compagnies de pétrole au monde. Voilà. Bien, hein? Je niaisais avec les ballons de plage en passant. Non, ça avait l'air bien crédible. Chaque 2 heures qu'on passe par jour à regarder la télévision augmente tes chances d'avoir ou de souffrir de diabète de 20% chaque 2 heures. Donc, parce que à cause de la sédentarité? Ah, sûrement? On va lire l'article. Ouais. Okay, une méta-analyse de différentes études a découvert dans un groupe de gens qui regardaient de la télé qu'il y avait une relation entre le nombre d'heures passées à regarder la télé et des conditions qui peuvent, dans le fond, menacer ta vie, des affaires de santé, etc. Donc, en moyenne, chaque 2 heures de télé ajoutées à une routine quotidienne augmente le risque de diabète de type 2 par 20%. Ça augmente les maladies cardiovasculaires de 15% et la mortalité en général de 13%. Mais on dit que tu peux réduire ton risque de devenir diabétique d'un cinquième en regardant un petit peu moins de télévision. Ou en la lançant par la fenêtre. Aussi. Mais c'est radical. Tu pourrais faire mal au dos. Parce que c'est plein d'autres problèmes, par contre. Je le ferai pas. Prochaine nouvelle, les requins. Ça, c'est intéressant. Pas que le reste n'est pas intéressant. les requins ont des anneaux qui leur poussent dans leurs vertèbres, un peu comme un arbre avec le temps. Ah, donc, ouais. Tu peux déterminer l'âge d'un requin, un peu comme tu peux déterminer l'âge d'un arbre. Donc, ça peut être très, très utile, évidemment. Les scientifiques ont donc analysé les anneaux à l'intérieur des vertèbres des requins et ont découvert une corrélation entre le nombre d'anneaux sur un requin qui est né en captivité et le nombre d'années qu'ils ont vécu. Donc, évidemment, ils pouvaient répertorier ça parce que c'était des requins en captivité. Par contre, le désavantage de ça, c'est que les requins arrêtent, à un moment donné, ça arrête de pousser ces anneaux-là dans les vertèbres. Quand ils sont rendus trop vieux. Quand ils sont rendus trop vieux, voilà, tu dis tellement mieux que moi. Voilà. Hein? C'est intéressant. Ouais, c'est spécial. Ouais. Tu connais la série de jeux vidéo Legend of Zelda? Oui. Bon. Ils viennent de sortir Ocarina of Time 3D sur la 3DS, un remake d'un jeu de Nintendo 64. Bref, Ocarina of Time était supposé à la base être un shooter à la première personne. Tu sais, où tu vois pas le personnage, tu te vois à l'intérieur du personnage, okay, et tu vois ouais. que ton arme. Donc, le designer de jeux vidéo, Yoshiaki Koizumi, a expliqué dans une conversation avec le créateur de Zelda, Shigeru Miyamoto, en parlant de ce classique de Nintendo 64, il a dit, et je cite, mais très à la botte, parce que c'est écrit en anglais, puis je le traduis instantanément. Donc, j'ai parlé avec Miyamoto, disant qu'on devrait faire un jeu de Legend of Zelda sur la Nintendo 64. Il m'a répondu, à la place, on devrait faire un jeu où on voit pas Link du tout. Link est le héros de Legend of Zelda, évidemment. Donc, Yoshiaki Koizumi se souvient de ça et dit qu'il voulait faire un jeu à la première personne. Koizumi, le premier gars, travaillait déjà sur le modèle de Link, donc il avait déjà tout construit son personnage. Il était super attaché et évidemment, les gens connaissaient les jeux de Zelda d'avant parce qu'on voyait le personnage, il s'était attaché à ça. C'est comme si on faisait un Mario sans montrer Mario dedans, ça n'a pas d'allure. Donc finalement, ils ont décidé de sortir un jeu normal en 3D et une chance, peut-être que ce serait pas un succès, peut-être que ça en serait un aussi, on sait pas. Il n'y avait pas moyen de faire les deux, mettons. Ça n'arrêtait pas pire, hein? Oui, c'est ça. Dans le sens que, mettons, tu peux changer avec un certain bouton ta vision du tableau, si tu veux, là, la vision où tu vois tout et la vision où tu vois des yeux du personnage. Je trouve que ça aurait été vraiment une très, très bonne idée. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Ouais. En tout cas... Tu sais, pas que t'es meilleur qu'eux autres, mais t'es clairement meilleur qu'eux autres. Ben voilà. Et c'est ça. Tu connais... quelle question ici? Je demande même pas la question. Tu connais Chuck Norris? Ouais, Chuck, bon, Norris. Chuck Norris. Le gars qui fait tout plus que tout le monde. Et voilà, et mieux. Ouais, plus c'est mieux. C'était le premier choix pour jouer Red dans That 70s Show. Tu sais, le père. Ah ouais? Oh oui! Ça aurait été génial. Ça aurait été drôle. Même si là, on adore tous le gars qui joue Red, évidemment, Kurtwood Smith. C'est le père du personnage principal, Eric. Eric? Avec une espèce de petit ton agressif. Oui, oui. Puis c'est un père autoritaire. Ouais. Chuck Norris avec sa moustache. Ça aurait fait de la job. Donc, évidemment, on dit que Chuck Norris était déjà booké sur sa propre série télé, Walker Texas Ranger, et à ce moment-là, il n'était pas disponible. Après ça, la série a fini par terminer et ils ont manqué leur chance. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que moi, j'aime beaucoup Kurtwood Smith quand même. Les films Harry Potter, c'est les films qui ont fait le plus d'argent de tous les temps. La série de films. La série en tant que telle au complet. Juste la série, là, sans compter les livres. Sans compter les objets dérivés et tout exactement, ça. Exactement, exactement. T'imagines? Donc, avant de dire que c'est bien évident, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent que c'est évident qu'Harry Potter est numéro 1, number 1, forever. Non. En 2007, Potter a dépassé James Bond et Star Wars. Ouais, ben c'est ça, Star Wars, ça devait être gros aussi. C'est énorme. Donc, 4,47 milliards de dollars au moment où le film est sorti en 2007. À ce moment-là, il y avait eu 5 films jusqu'à ce moment-là. 5 films, OK? Alors que, dans le même laps de temps, en 2007, il y avait eu 21 films de James Bond à ce point-là et 6 films de Star Wars. La franchise d'Harry Potter ne ralentit pas. Évidemment, on sait qu'il y en a un autre qui s'en vient avant Noël, je crois. Et les deux plus récents ont fait 1,9 milliard de dollars. On regarde aussi le montant fait par film Harry Potter. 900, je crois que c'est en moyenne, ouais, le chiffre en moyenne. Harry Potter, chacun des films, 909,9 millions. Star Wars, 551,4. James Bond, 220,6. Si on compte, évidemment, toute l'inflation. La petite monnaie. Et la petite chante. Et on termine avec, évidemment, j'adore ce fait-là. Je nous en reste un autre après. Alors, je vais faire celui-là avant, juste parce que j'ai envie de le faire. Puis qu'on a le temps en masse, hein, et moins 9. Quand tu cherches pour un lien qui a rapport avec l'homosexualité sur Google en ce moment, je sais pas si tu le fais, Sourire.com, si t'as entendu parler, allez-y, sourire.com. Pas Canada, j'imagine que ça ne doit pas marcher sur Canada, mais qu'est-ce que j'en sais? En bas, tu peux cliquer sur google.com américain. Donc, si tu tapes un mot qui a rapport avec ça, il va y avoir un petit arc-en-ciel qui va sortir du bouton recherché. Et c'est très, très joli. Et Google fait ça pour célébrer le mois de la fierté gay, qui est en ce moment, c'est à chaque mois de juin. L'arc-en-ciel est un symbole, évidemment, on le sait depuis très longtemps. Mais l'effet qu'on ajoute, c'est en disant que ce symbole-là est le symbole de l'homosexualité à cause de l'artiste de San Francisco, Gilbert Baker, qui a créé le drapeau arc-en-ciel en 1978. Il y a 33 ans la semaine prochaine, nous dit-on, ou en tout cas dans les prochains jours. Il a amené à la San Francisco's Freedom Day Parade le 25 juin en 1978. On dit ici que altérer ou changer la barre de recherche de Google n'est pas quelque chose de nouveau. Ils l'ont déjà fait avant, c'est ce qu'on dit. Que Google, évidemment, participe à la course depuis très longtemps. Ils ont fini en deuxième position derrière IBM dans la liste des compagnies qui donnent le meilleur environnement de travail aux employés de la communauté homosexuelle, gay, etc. Donc, on dit c'est la Gay and Lesbian Chamber of Commerce qui a fait cette liste-là. Voilà, donc, pour Google. Et on termine avec Gene Kelly. Absolument rien à voir, mais on parle de pluie ici. De pluie. Okay. Gene Kelly, il y a quelques semaines dans la chronique, c'était un fait, j'avais parlé du fait qu'il avait enregistré cette scène-là alors qu'il faisait une fièvre de 103 degrés. Donc ça déjà, le gars a fait la danse Singing in the Rain qu'on connaît tous, il est donc bon là-dedans, et il avait une grosse, grosse fièvre, il était très malade. On rajoute maintenant le fait que la technologie à ce point-là n'était pas si évoluée, donc c'était difficile de capturer à la caméra des petites gouttelettes de pluie. Donc ils ont ajouté du lait. Oui. Pour faire ce mélange-là, ça la rendait plus visible. D'autres faits intéressants, au-dessus de 160 000 $ ont été dépensés sur les costumes dans ce film-là. On dit, là, évidemment, on parle de la version originale en anglais. En français, je sais même pas si ça chante en français. J'ai pas vu en français. Debbie Reynolds, une des actrices du film, était pas très, très bonne chanteuse. Donc, dans la scène où le personnage de Debbie Reynolds, Kathy, refait la voix du personnage de Gene Hagen, donc Lina Lamont, Hagen est en fait en train de parler, de chanter par-dessus Reynolds. Donc c'est les personnes, c'est pas les mêmes personnes qui chantent à l'écran que genre une des deux qui a fait la voix de l'autre. Puis finalement, il y a du lip-sync. Il y a du lip-sync en masse dans les voix des filles. Ou encore, je sais pas s'ils veulent peut-être plus dire qu'elle chante par-dessus l'autre en même temps que l'autre chante, ou je sais pas trop. Peu importe. Voilà donc pour Singing in the Rain. C'est mêlant, Singing c'est in the Rain. C'est mêlant. Oui, je suis pas sûr où je m'en allais avec ça. Ouais. il nous reste encore deux pièces à entendre et comme le veut la tradition, mes chroniques sont ben trop longues. Donc on va entendre tout de suite les positions 2 et 1 dos à dos. On va entendre en deuxième position francophone La Marge de Monogrenade et suivra après ça notre numéro 1. Évidemment, je dis pas c'est quoi. Parce que je dois faire des jeux de mots. Mais là, faudrait pas capoter avec ça, là. Ben non. Faudrait pas, j'irais perdre la tête avec ça. En se creusant la tête pour trouver des jeux de mots, parce que ce serait vraiment très très long, puis je perdrais du temps, puis je défoncerais dans l'émission d'après. Puis là, t'es en train de me faire un jeu de mots pour essayer de me faire deviner, là. Un petit peu ça. Et je te dirais même que l'émission qui nous suit jeudi à 17h s'appelle Une dose d'estrogène, et ça tombe très très bien pour notre numéro 1. Ah, c'est vrai? Parce que les numéros 1 sont tous des allaiteurs. Je te les expliquerai après si jamais. On se dépêche. Position numéro 2, francophone, Monogrenade avec La Marge, ça monte de 5 places sur l'album Tantal. C'est la fin de l'émission pour cette semaine. On remercie tout le monde qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. On parle de... qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Stéphanie Gagné. Il y a eu Kiwan. Il y a eu Marie-Pierre, la force bourrée, bien sûr. Toi, Myriam Fugère. Merci d'avoir participé pour au moins la dernière heure. Tu l'as fait au complet avec moi, tes films. Yes, ben ça m'a fait plaisir. Super, ça. Les chaises sont confortables. Ça fait bronzer. Oui, c'est ça. Les chaises sur le bateau. Oui, évidemment. Restez sur nos ondes à 17h le jeudi. C'est une dose d'estrogène qui s'en vient avec Marie-Michel Caron. Ça commence dans quelques minutes. Si vous nous écoutez le samedi, parce qu'on est en rediffusion les samedis entre midi et 16h, ce sera une reprise de C'était fou que j'anime. Comme ça, pour le fun. On est aussi le lundi à 15h, et puis après nous, ce sera Rock Révélé à 20h. On vous rappelle qu'on est en direct tous les jeudis entre 13h et 17h, que vous pouvez retrouver les liens et les notes de l'émission et la balado diffusion sur assemblagerequis.com et nous suivre sur Facebook en suivant, en cherchant Assemblage Requis. Passe une belle fin de semaine. Ben, toi aussi, bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean à vous tous et à toi et mais à oui, tout le monde. Oui, oui, bonne Saint-Jean. Oui, on se quitte avec le numéro 1. On l'a mentionné tantôt avec mon petit jeu de mots. Là. C'est les breastfeeders à la terre, hein, qui ne perd pas la tête. Bye. Sorti